L'animateur le plus trash de la bande FM. Et celui qui a un portable, arrête-en. Et toi, je t'ai dit tout à l'heure de me poser des questions bonnes. Gérard. Les débats de Gérard. Fun Radio. Et voilà, bonsoir à tous. Rebonsoir parce que je suis intervenu là un petit peu avant. Donc on va saluer l'équipe. Alors Simon qui est sur le net www.funradio.fr, c'est ça le... Salut Gégé. C'est ça le site? Ouais. Je me suis pas trompé. Donc vous pourriez réagir sur le site internet sur le harcèlement sexuel. Donc Pedro à la réa. Bonsoir. Prends pas ta voix de PD. Ça va, comment ça déjà toi-même. Salut Gérard. Et Céline qui vous accueille au 0825 08 5000. Et bonsoir Gérard. Et c'est quoi le pour les Belges 0-33-0825-08-5000. Non, il n'y a pas le deuxième zéro, il n'y a pas le deuxième zéro. Oh bah c'est pas grave. C'est pas grave. Donc vous pouvez appeler, donc on va attendre un petit peu, donc on va savoir déjà combien qu'on est à peu près au démarrage. Eh bah Gérard, pour l'instant on est 30, donc il faut y aller. Hein. C'est tout? Ouais. Non bah ouais, parce que c'est le début là, bah c'est oui, pour c'est ça. Le début. Donc ben voilà, donc ben j'espère que ce soir ça va bien se passer. C'est sur quoi ce soir? Le harcèlement sexuel. Donc il y aura tout en attendant qu'on aille un peu les auditeurs. Donc je sais pas si y en a de vous deux là qu'on subit un peu ce qui s'était passé samedi au Stade de France en attendant qu'on aille les auditeurs. Simon, t'as suivi un petit peu que s'est-il passé Gérard? Le match Bastia ouais, il y a eu 1-0 ouais. Non mais ce qui s'était passé lors de la Marseillaise. Ouais, ils l'ont chanté. Hein. Non, ils l'ont sifflé, ça a pas été pareil. Qui l'a sifflé? Les supporters de Bastia, il paraît. Ah bon? D'après ce qui a été dit, hein, mais bon. Ah, parce que tu l'as pas vu le match? Je l'ai écouté, mais bon. Ah oui. C'est quoi le rapport avec? Quel est le rapport avec le débat, le harcèlement? Non, mais en attendant qu'on aille des auditeurs, parce t'as que. Rien à dire, quoi. On a rien à dire. Non, je crois qu'il y a des gens qui sont là, on va leur dire bonsoir, peut-être. Donc voilà, on va commencer. Bonsoir. Là. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, c'est comment ton nom? C'est Mario. Bonsoir Mario, t'appelles d'où? D'Alençon. Fréquence? 78.7. Ok. Après? Bonsoir. C'est qui? Javal. T'appelles d'où? Perpignan, 73.8. Ah bah d'accord, merci. Bonsoir Javal. Elle est là. Bonsoir Mario. Donc, le troisième c'est... Allô? Allô, le troisième? Allô? C'est qui? C'est MC Soulard, bonsoir, de Varis-sur-Oise, 119.9. Et je te préviens, préviens tout de suite que ceux qui s'amusent à dire des conneries et à vouloir jouer les gros caïds ne vont pas faire long feu ce soir. Bah, qu'est-ce qui se passe? Non, mais je vous préviens tout de suite. Y'a rien dit, moi, hein. Ouais, non, mais tu vas pas commencer à prendre ta grosse voix. Ah non, mais pépère, hein. Ouais, bah tu vas voir, pépère, tout à l'heure, tu vas te la couler douce, le pépère, hein. Pépère, wesh, wesh. D'accord? Ouais, bah tu commences déjà par te calmer. Tranquille. Ah, parce que sinon, c'est moi qui vais te calmer d'une drôle de façon tout à l'heure. Okay, on peut savoir si le boum boum il est toujours prêt. Ah, donc, tu vois, tu vois, c'est ça qui va se produire. Donc, harcèlement sexuel, donc on va commencer avec Mario et Javal et puis l'autre machin là. MC Soulard. Bon, bah voilà. Oh. Voilà, c'est bon, j'ai l'affiché. On a Boudin Rouge. Ouais, salut. Roubaix. Sans Boudin. Donc alors, première question. Faut-il coucher pour avoir ce poste ou ce job? On va demander à Javal, tiens, comme c'est une femme. Quel poste? Ben, ceux de secrétaire. Ah, d'accord. Tu peux resituer l'histoire, là? Faut-il coucher pour avoir ce poste ou ce job? Ben, ça dépend si t'es compétente. Mais je te demande si faut que tu couches avec le patron. Et t'as mal quand tu fais des entretiens? C'est dommage, Gérard, tu t'énerves, là. Ouais. J'essaie de t'expliquer que si t'es compétente, t'as pas besoin de coucher. Mais bon, si t'es aussi compétente au pieu, c'est à toi de voir, quoi. Ouais, d'accord. Oh, bah, dis-donc, toi, c'est pas vraiment du harcèlement, hein, c'est toi qui décides. Ah ouais, pour toi, ah bon. Donc pour toi, faut pas coucher pour avoir la place. Ah non, faut pas coucher. Ah bah, dis-donc. Bah, sinon, tu seras prise pour ton cul, pas pour tes capacités. Bah, ouais. À ton avis, si t'es pris pour ton cul, donc c'est du harcèlement? Non, c'est pas du harcèlement. Ah bon, alors? Ah bon, d'accord, ok. Ah bah, dis donc. C'est juste du favoritisme. Ah ouais, ah bah alors dis donc, si tu crois que pour toi, coucher n'est pas harcelé? Non. Ah bah, je sais pas ce qu'il faut, toi. Ah ouais, bah alors. Moi, c'est pas comme ça que je conçois le harcèlement. Pour toi, Gérard, est-ce que sodomiser, c'est tromper? Et ta sœur? Et ta sœur, elle couche pour ça? C'est qui vient de dire ça? Pas grave. Je préviens, qui a dit ça tout de suite? Allez, on y va, là. Mario? Oui, bonsoir. C'est alors, toi qui viens de dire ça? Non, du tout, hein. Manière, oh, je vais le savoir à la voix et il répondra même pas à la question. Mais je comprends pas pourquoi tu t'énerves comme ça, parce que le harcèlement, c'est pas ça, quoi. Justement, le harcèlement, c'est que c'est pour aboutir à la coucherie, mais si tu couches tout de suite pour avoir le poste, c'est pas du harcèlement. De toute manière, il y en a qui couchent pour avoir le poste plus facilement. Hein. C'est pas du harcèlement sexuel, ça, monsieur. Bon, d'accord, bah tu le prendras comme tu voudras, moi je te dis que c'est... D'accord, tu vas pas commencer à me gonfler les cacahuètes, non, mais toi. Je te gonfle rien du tout, je t'explique juste que c'est pas du harcèlement. Ouais, ouais, bah ok. Bah, Mario. Alors moi je pense qu'on n'est pas obligé de coucher pour avoir un poste. Déjà quand tu postules à un poste, c'est que t'as les compétences requises pour justement faire ce travail. Mmh. Et je pense qu'après coucher c'est du bonus quoi. Hein. Mmh. Ouais. Si ça se passe bien dans l'entreprise, si tu trouves que la secrétaire quand elle t'apporte les photocopies en mini jupe elle te plaît, bah ouais, bah là tu la culbutes là direct. Hein. Ouais non mais attends, il y a pas que ça. Il y a l'amour aussi, c'est vrai, il y a l'amour. Il y a pas que ça. MC Solar. MC Soulard. Écoute, moi, un poste de secrétaire, en fait, ça m'intéresse pas des masses. Donc je pense pas que je ferais du harcèlement pour un poste de secrétaire. À mon avis, ça vaut pas le coup. Pour des postes plus élevés, genre, je sais pas, cadre ou cadre supérieur, là, à la limite, ça peut valoir le coup. Mais pour un poste de secrétaire, franchement, ça vaut pas le coup de se faire bouillave, quoi. Attendez 5 minutes. Par contre, ce que j'aurais bien aimé, et ça, je lance l'appel maintenant... parce qu'au fur et à mesure que je vais gerber les mecs, je vais essayer de faire un débat uniquement qu'avec des filles. Ah bon? Donc je préfère que ça okay, d'accord. Ça concerne plus les filles que les nanas, ce débat. Ah, il y a des mecs qui sont harcelés, hein, chez toi. Ouais, mais... Bah ouais, quand même, attends. Est-ce que toi, Gégé, tu coucherais, toi, pour un poste de secrétaire, toi, dans ton cas? Si t'avais une patronne. Si t'étais harcelé, hein. Non, mais attends, déjà, pour commencer... Peut-être qu'il a pas les diplômes. Et déjà, pour commencer, je suis pas une nana et j'ai pas l'intention de virer ma cutie. Non, mais attends, il y a aussi des femmes qui harcèlent les hommes, c'est pas dans le sens. Ouais, mais ça, de toute manière, les nanas qui harcèlent des hommes, c'est strictement pareil. Voilà, imagine, tu postules pour un poste et la patronne, c'est une femme. Mmh. Et si elle te harcèle, tu acceptes ou pas? Non. Ben voilà, c'est ce que je te dis. Bah attends, Céline, oui? Non, rien, Gérard. Non, mais c'était une question à poser parce que j'ai entendu là vaguement, mais je sais plus ce que tu disais. Non, mais en fait, je me demandais entre homosexuels ce que ça faisait. Bah, c'est pareil, hein, ça revient à peu près au même. Hein. Et entre hétéros? Bon, c'est bon, on a compris vos conneries. Boudin rouge. Ouais. Ah, bah, moi, je crois c'est un peu joindre l'utile à l'agréable. Tu vois, t'arrives, tu postules. Bon, et puis, effectivement, comme il disait Mario, bon, bah, après, ça se passe bien. Voilà quoi, il y a des relations qui se tissent quoi, tu vois ce que je veux dire. Mm-hmm. Et puis il y a des gens qui vont ensemble, c'est comme partout quoi, il y a pas qu'au boulot, il y a je sais pas moi dans le sport. Non mais attends, dans le sport on va en venir. Ah, mais bon, je parle question lors d'un entretien d'embauche et tout ça. Bah non, mais pas tout de suite à l'entretien, mais Ouais, mais attends, parce que lors d'un entretien, bon, ouais. Ce qu'il faut bien se dire, c'est que lors d'un entretien lorsque la nana y va, faut bien dire une chose. En principe, elles y vont pas habillées en jean en vieux dégueulasse. Ouais, d'accord, j'avale là. Parce que apparemment, c'est toi qui a commencé à parler comme ça. Pas forcément, mais tu peux aussi aller à un entretien pas habillé en salope. Hein. Il y a des gens qui s'habillent tout à fait correctement, sans forcément avoir un jean. Alors, puis t'as des mecs qui passent des entretiens d'embauche. Hein, 5 minutes. Question internet peut-être intéressante. Ouais, Gérard, question de Mister Cousin qui te demande si pour un entretien, il faut venir avec un slip propre ou sale. En principe, pour venir propre, pas dégueulasse. En principe, mais est-ce que des fois, toi, t'es allé à des entretiens? Non, lui, il va pas à des entretiens, non. Ah ouais, d'accord. Alors, Boudin Rouge. Ouais. Au revoir. J'ai rien dit, moi. Bah, je veux pas le savoir. Attends, j'ai rien dit. Au revoir. C'est sa nouvelle technique. C'est peut-être pas lui. Hein. C'est nouveau. Maintenant, ça sera comme ça. Et toi, Gérard, est-ce que t'en as profité pour, vu ta position là de chef de débat, est-ce que t'en as profité pour harceler sexuellement dans les studios de Fun? Alors, je vais vous dire une chose. Une chose. Que depuis que je travaille avec Max, il ne s'est rien passé avec les responsables de Fun Radio. C'est sûr. Ils n'ont pas voulu. C'est que bon, j'ai appelé Max comme ça et c'est tout. Ouais, mais tu cherches un peu dans les couloirs quand même. Je veux dire, s'il y a des jolies filles, t'es pas contre en fait. Non, mais attends, tu veux insinuer quoi? Tu veux dire? Attendez, qui c'est qui vient de me poser cette question? Attends, GG, c'est MC Solar. C'est qui? Moi, C'est M6 Soulard, je voulais rien insigner du tout. Je dis, s'il y a une jolie fille à la radio, est-ce que ça t'empêche pas de... Non mais attends, tu crois que je vais rester? Tu crois que je reste jusqu'à 9h du matin pour voir les secrétaires? Non mais tu rêves ou quoi là? Les standardistes par exemple. Bah, les standardistes, il y a que Céline qui travaille avec moi. Bah oui, justement, parlons-en. Bah ouais, faut bien vous dire une chose, qu'avec Céline, il y a rien, elle a déjà quelqu'un, donc voilà, c'est tout. Non mais imagine Gérard, t'es à la cafette, bon là, coup de folie, tu bois une Heineken, et là, il y a une standardiste qui passe, et franchement, tu la kiffes, attends, tu la kiffes grave. Est-ce que tu irais la voir? Est-ce que tu la harcelerais? Comment ça se passe? Non, je fais rien du tout, moi. Ah bon? On va accueillir Dave sur Superstar. Superstar, bonsoir. Ah, bonsoir. Ça va, Gérard? Ça va. Ok. Donc pour toi, avant qu'on continue la suite là de la conversation, parce apparemment, je sais pas qui c'est qui a lancé ce petit la question. Pour une fois, c'est un débat. C'est vrai, c'est un petit débat là quand même. Ouais, non, mais faudra quand même qu'on accélère un peu, hein. Donc Dave Superstar, pour conclure sur la première question, faut-il coucher pour avoir ce poste ou pas? Complètement. Dans le cas d'une secrétaire, complètement. Ah bah donc, tu reviens avec ce que je disais. Ah bah complètement, non mais attends, bon bah tu les as vus un peu, hein, les secrétaires. Moi j'ai l'impression métier, c'est pas par hasard, j'ai envie de dire. Genre, c'est Mario. J'ai l'impression que t'as un petit peu l'image de la secrétaire un petit peu salope, alors que ça n'a rien à voir, Gérard. Non, faut pas. Il y en a des moches, hein, quand même. Il y a des moches, hein, et des connes, hein. Il y en a qui connaissent pas, hein. Ça, de toute manière, c'est chacun leur problème, c'est pas... Il y a des vieilles aussi. Ouais, mais ça, c'est pas mon problème, hein. Donc, pour revenir à, je sais pas qui c'est qui avait, c'est M.C. Solar qui avait demandé comment que j'avais fait pour rentrer chez Fun, c'est ça? En substance, on va dire, ouais. Bon, donc, en fin de compte, bon, moi, quand j'ai connu Max, c'était lors d'une cabine, et puis depuis, on a sympathisé. Et faut bien vous dire une chose, qui s'est rien passé entre nous. Ah bah, entre les cadets et toi. Non. Il y a rien eu, donc c'est pour ça qu'on continue à faire des débats. Pour un soir. Attends, Gérard, excuse-moi, il y a rien eu, mais dans quel sens? Dans le sens propre, si tu veux. Oui, dans le sens propre, d'accord. Bah, je comprends. Ouais, donc normal, voilà. Normal. Voilà, donc pour être clair avec M6 Soulard, donc voilà, j'espère que j'ai été clair sur ta... Ah bah oui, ça a été d'une clarté un peu rapide. Non mais c'est bon là, avec les téléphones là-bas, hein, s'il vous plaît, merci. Mais même, tu peux le dire là, officiellement, même quand il te raccompagnait, c'est rien passé du tout, rien du tout. Non. Et puis ça, de manière, faut vous dire une chose. Que le travail et le boulot, ça fait deux. Ouais, no job in job, t'as raison. Le travail est là. Ah bravo, Gérard. Oh là là, grave. Non, grave, c'est bon, rien. J'ai pipi? Non, c'est bon, j'ai... Oh là, j'ai pipi à vous. Non, mais c'est pas mal, je crois que je la reprends en couleur, celle-là, la prochaine. Non, mais c'est bon. Le harcèlement... Deuxième question. Ouais. Le harcèlement sexuel peut-il se faire par téléphone, courrier ou autre? On va demander à Mario. Est-ce que tu peux me répéter les... Attends, parce qu'il y a peut-être une question internet intéressante, non? Bah, ça aurait été juste avant, Gérard, on m'a demandé tout à l'heure, alors qui c'est Thomas qui me demandait si les harceleurs sexuels font les 35 heures. Bah, de toute manière, pour les 35... Et s'ils ont le droit de prendre des RTT de temps en temps pour harceler à la maison, quoi. Ah bah, ils font ce qu'ils veulent, hein. S'ils veulent travailler 35 heures et puis qu'ils veulent poser des RTT... Pour aller baiser ailleurs, c'est leur problème, hein. Ouais. C'est pas le mien, hein. Moi, de toute manière, pour l'instant, moi, j'ai pas encore trouvé chaussures. J'ai pas encore trouvé chaussures à mon pied, donc, c'est pour ça. À part des lapins qu'on m'a posés, mais ça, c'est pas grave, ça, c'est pas le thème. Ah, bah si! Justement, poser des lapins et par le téléphone, justement, c'est la question. Le harcèlement sexuel peut-il se faire par téléphone, courrier ou autre? On va demander à Mario. Ou vice versa. Par courrier, c'est dur d'harceler, t'es d'accord avec moi? Parce qu'à la rigueur, si tu te sens harcelé par le poids des mots, bah tu jettes la lettre direct. Par téléphone, bon là c'est un petit peu plus chiant. C'est vrai que la nana peut t'appeler, peut te saouler ou le mec. Comme le cas de Patricia tout à l'heure. Exact, oui, j'ai écouté. Ouais. Et c'est quoi le dernier truc? Ou autre, ou vice versa, par exemple, si style internet, tout ça. Dans le cas de vice versa, je suis pas d'accord. Par Minitel. Ouais, mais ça, maintenant, le Minitel, ça a été remplacé par le net, hein. Ouais. Ouais, mais c'est vrai. Attends, Javal. Je peux te dire une chose qu'à l'heure actuelle. Je peux te dire une chose que jusqu'à maintenant. Non, mais jusqu'à maintenant. L'internet, c'est rare que t'en entends parler. Pas de l'endroit chez elle, elle a un oh là là, d'accord. Oh putain, mais qu'est-ce qui m'arrive ce soir? Qu'est-ce que t'as bu encore? Oh là, c'est pas. Bon, j'avale, qu'est-ce que. Oh là! Aval, Gérard, ça ira mieux. Ah, ça m'a bien grave. Gérard, ça colle dedans. Vas-y, aval, comme à la loco. Ah, c'est bien. Oh, Mario! Oh, oh. Mario! Oui. Au revoir! Bah, rien à voir. Au revoir! Au revoir, Mario. Alors lui, comme ça, il a vite fait continuer le débat, celui-là. Alors, Gérard, j'en profite pour... alors déjà, un petit point pour le nombre de gens sur le net. On est 5512, ouais, ce qui est énorme. On est passé de 30 à 5512. Alors une question de Pine de Lapin qui nous demande si il faut légaliser ou non le harcèlement en France. Mm-hmm. Bah justement, ça, c'est les questions qui vont arriver par la suite. Bon, pour l'instant, je vais pas y répondre parce qu'on va, ça va être la question numéro 5. Alors, j'ai une autre question dans celle-là, une question toujours de Mister Cousin qui est en pleine forme. Peut-on harceler quelqu'un avec des poèmes tout pourris? Non, pas spécialement. Je vois pas du tout pourquoi harceler quelqu'un avec des poèmes tout pourris. T'as déjà essayé? Donc, Mister Cousin, tu vas te faire enculer. Et maintenant, tes prochaines questions. Question de Monsieur Cousin. Ta gueule, toi. Question de Monsieur Gérard Bouzin. Ta gueule. Ma mère a ton cul et moi je t'encule. Okay. Oh. Et ton père, il s'est marié en bleu de travail. Alors, Dev Superstar. Au revoir. Mais non, arrête, il est sympa, il plaisantait. Je préviens, ma famille vous emmerde et moi avec. Ta gueule. J'ai absolument rien dit, je me permettrai pas. Calmez-vous les auditeurs, calmez-vous. Je préviens que le prochain qui dit ça, je lui nique sa mère derrière le... Gérard. On va finir en prison, Gérard, arrête. Donc, j'avale pour toi. Encore. Eh ben écoute, tu peux te faire harceler par par téléphone ou par courrier ou même par internet, tu peux te faire harceler. Imagine, tu reçois 10 lettres tous les jours d'un mec ou d'une nana qui dit qu'il veut ton corps, machin, que si tu sors dans la rue tu te feras attaquer. Enfin tu vois, ça peut foutre les boules si tu es un tantinet sensible. Donc voilà, moi je pense que ça peut être du harcèlement moral avant d'être du harcèlement sexuel. Ouais, mais par courrier et tout ou autre, ou vice versa, par exemple internet ou Minitel comme tu disais tout si bien. Tout pareil. Ouais, tout pareil. Et par téléphone de surcroît. Parce qu'en plus, t'entends la voix, t'entends la respiration, tout ça, c'est chaud. Ouais, tu veux me faire jouer. C'est pas fait pour. Moi, j'avale. Ok, ben c'est bien, si t'avales, ben avale bien profond, alors. C'est ce que je fais. MC Soulard. Ouais, moi. Mais attendez, MC Soulard, avant que tu parles, on va accueillir Joël Star. Joël Star, oui, bonsoir. Attends, Joël Star, avant que tu continues. Mm-hmm. Par contre, je reprécise. Ouais. Je voudrais que dans l'heure qui suivent, des filles. Il me faut des filles. Ou des nanas. Des cums. Ouais, des cums. Ouais. Tu vas en avoir, t'inquiète. On va te mettre de la bite de 12. Te baisse pas. Hein. Il me faut de la chair fraîche Il me faut de la foufoune. Il me faut de la foufoune. Joey Star, donc oui. T'as entendu la question? Oui, Joey Star, ouais, j'appelle de Saint-Denis. Ouais, mais merci, j'ai compris. Ça y est, c'est bon! Wesh. On a compris! Est-ce que tu peux me répéter la question? J'étais au standard avec Céline. Céline, elle est tombée. Céline, elle est par terre. Bah alors? Qu'est-ce qui arrive? Elle est tombée. Ça va? Elle a arrêté la chaise. Va la relever. Qu'est-ce que c'est que ce bordel, là, ce soir? Regarde un peu, là! Dépêche-toi, Gérard, dans 5 minutes, on passe un disque, Ouais, alors, MC Solar! Oui, donc moi, je te disais, une fois, ça m'est arrivé, en fait. Par la factrice, je me faisais harceler par la factrice. Elle venait me mettre des lettres dans ma boîte tous les matins. Ouais. Et en fait, c'était régulier, en fait. Hein. Mais tous les jours. Et puis bon, un jour, ça a changé, c'était un cum. Donc en fait, ça Mais attends, et pour toi, tu te fais harceler parce que ta factrice te mettrait du courrier tous les jours dans ta boîte aux lettres? Bah ouais, t'as dit par courrier. Mais t'es pas un peu taré ou quoi? T'as dit par courrier aussi, ça marche par courrier. Non mais tu crois que tu vas te faire harceler par une factrice, toi? Bah ouais, attends, je la voyais, elle passait avec son vélo, là, avec sa petite casquette, elle mettait des lettres dans ma boîte tous les matins. À la cochonne. Attends, tu m'étonnes, avec son petit truc bleu, là. Non mais attends, et pour toi c'est harcelé. Bah ouais, c'est du harcèlement par courrier. Ah ouais, donc, alors parce qu'elle te met du courrier dans la boîte aux lettres, tu te fais harceler. Bah c'est ça, attends, si c'est plusieurs lettres tous les jours, c'est du harcèlement, t'es d'accord? Mais je te demande quand j'écris, espèce de con. Bah attends, mettez des colis des fois, attends. C'est dans le journal. Oh lolo, ouais, va te coucher, allez hop, au revoir toi. Allez, vas-y, dégage. Dégage. Non, lui dis pas au revoir. Au revoir. Oh non, Gérard, non, je suis pas d'accord. Au revoir. Arrête, Gérard. Voilà. Je suis pas d'accord, Gérard. C'est moi qui commande, tu lui dis au revoir. Voilà, Dev Super ça. Ouais, je suis là. Bah, moi, je suis complètement d'accord. Tu peux harceler par courrier, par internet, par Minitel, par. Par téléphone, par tout ce que tu veux, par portable, et même tu peux te pointer chez les gens, tu sais, faire le pied de grue en face de l'immeuble où habite la personne que tu veux harceler, puis tu te planques et tu surveilles ses moindres faits et gestes. Mmh. Ça s'est vu. Ouais, non mais attends, parce que maintenant, comme je disais à Jamal là depuis tout à l'heure, ouais. Ouais, elle me dit que le Minitel existe encore. Bien maintenant, sûr, non mais il y en a plus. Ça se maintenant on en voit plus tellement. Non, nous je vois à peine. Attendez, parce que moi je peux vous dire, là à l'heure actuelle, il n'y en a plus du tout sur Fun. Attends, excuse-moi, non mais à Fun, d'accord, mais chez les personnes âgées, par exemple, elles ne sont pas mises à l'internet. Ouais, non mais attends, ouais d'accord, ouais mais attends, le Minitel maintenant c'est ça se fait. Le Minitel. Ouais, mais ça se fait de moins en moins. Ah bah oui, maintenant c'est le net. Oui, non mais maintenant faut bien vous dire une chose, que maintenant c'est le net qui remplace le Minitel. Ouais, c'est vrai, t'as pas tort. Donc, Joe Star pour finir sur la question, et après je répondrai quand même. Bah, c'est vrai que par courrier, je me suis pas fait trop harceler, par téléphone non plus. Par contre, physiquement, ouais, je me fais harceler par des billets de cité qui veulent coucher avec moi. Vous êtes beau gosse, toi. Ouais. Non, mais bon, alors apparemment, donc le harcèlement par courrier, par téléphone, bon, c'est vrai que par téléphone, ça se fait souvent. Hein. Ah ouais. Et ça, il y en a de plus en plus. Bon, par courrier. Oui. Oui, Jamal. Est-ce que tu en es victime de harcèlement par courrier ou par téléphone ou... Ben, par courrier, pas tellement parce que personne ne m'écrit. Ouais. Balance l'adresse, là, Gégé. Non, et puis quoi encore? Il n'y a personne qui t'appelle non plus? Pour l'instant, 06, 67, non? T'as jamais pris mon portable dans ta gueule, toi? 92. Parce que là, si tu commences comme ça, tu vas pas finir le débat. Je te le dis tout de suite. Arrêtez au standard. Non, mais moi je te le dis tout de suite. Je recommence encore une connerie, j'en ai rien à foutre. J'ai pété l'adresse du foyer. Gérard, Pedro. S'il te plaît. Hein? Un peu de sérieux, Pedro, quand même. Je vous préviens que les personnes qui ont retenu les quatre premiers chiffres ont intérêt de les oublier vite fait parce que le numéro va plus exister. Bah oui. De toute manière, tu seras plus près de l'avoir, toi. Je te le dis tout de suite. C'est un ordre, oubliez-le. Gérard enchaîne, hein, parce qu'il reste plus qu'une minute. On accueille quoi? Siam Sopracroute, là. Ah, hein? Sayan Sopracroute. Voilà, c'est le Sayan Sopracroute, ça s'appelle du Kremlin Bicêtre dans le 9-4. 101.9, merci. 101.9, bien sûr. Wesh, bonsoir tout le monde. Donc, alors, la question, tu veux y répondre vite fait avant que... Malheureusement, tu peux la rappeler vite fait, s'il te plaît. Faut-il, le harcèlement sexuel, peut-il se faire par téléphone, courrier, etc., ou autre, ou vice-versa? Vice-versa, en ce moment, c'est l'email qui cartonne quand même, c'est le net, hein, quand même, c'est l'an 2000, hein, l'an 2000. 5 minutes, il y a une question. Oh bah attends, voilà, une coupe directe. 5 minutes, tu les permets la priorité sur l'internet. Merci. Sur l'internet, hein. 6214 sur internet et on me demande, alors attends que je retrouve le truc, c'est Oslo le Belge qui demande si on peut choper des virus en se faisant harceler par mail. Ça dépend. Des vers. Non, ça dépend. Des virus, des maladies, des trucs comme ça. Non. Alors ça dépend ou non? Non, carrément non, non. Non. Eh, on s'amuse pas à envoyer des boulettes là-bas. Combien tu m'as dit? 6614? 6214. 214, ok. Donc, quand tu envoies des mails par internet, tu peux aussi envoyer des films ou des photos avec. Donc, si tu veux harceler quelqu'un, c'est le bon plan, quoi. Ouais, d'accord, mais. Tu envoies une photo dégueu, tu lui dis que tu veux lui faire ça et ça le fait bien. Ouais, mais là, c'est quand même abusé, moi, je dis. Ah, bah, tu harcèles ou tu harcèles pas. Bah, ouais, attends. Ouais, d'accord. Donc, pour finir, Smiaïma. Ça y est, c'est pas cool, ouais. Je t'avais dit, par les emails directs. Les emails, le courrier, c'est Asdin, tout ça. Ouais. C'est fini le courrier. Non. Mais attends, le courrier, ça existe encore, hein. Attends, t'écris des lettres, toi, souvent, ou pas? Bah, moi, j'écris, mais pour l'instant, personne répond. Alors donc, voilà, c'est tout. T'écris à des gens, ou ça te regarde pas, qui j'écris, hein? Non, mais tu pourrais écrire à la Sécu ou à la banque. Ouais, c'est des administrations ou c'est des gens? Non, c'est des personnes, c'est tout. D'accord. Mais je vous donnerai pas les noms, ça vous regarde pas. Comment? Comment? On respecte ta vie privée. Bah oui, totalement. Ah ouais, complètement, mais ça c'est la première des choses à faire. On respecte de l'anus des autres. Je préviens que celui qui a dit qu'il avait même pas de timbre, il a intérêt de se calmer, d'accord? Gérard, on va t'écrire ton nez pour terminer là. Hein. Faut-il être habillé sexy si le patron vous le demande? Et on va s'écouter. Bonne question. Ta gueule. Ouais. On va s'écouter Hume Jabal de GG Superstar et on se retrouve tout de suite après au 0825 08 5000 et 0 33 0825 08 5000 c'est dans net www.funradio.fr. À tout de suite. Ce soir, les débats de Gérard. Oh, celui qui a sa musique. Celui qui a sa musique derrière, arrête. L'émission la plus trash de la bande FM sur Fun Radio. Bonsoir à tous. C'est donc Yoga qui est à l'area. Yoda. À l'area. Parce que j'ai toujours raison. Hein. Simon qui est toujours sur le net www.funradio.fr. Donc, on est combien là maintenant? Alors, attends, je regarde ça. Oh, ça a un petit peu baissé pendant le 10. 6004. Bon, ça va. Bon. Parce que t'étais plus là. Ah, ben justement, tiens, puisque j'ai la parole, il y a Seigneur qui me dit qu'il a un problème tous les jours au bureau parce qu'il se fait harceler par une certaine Cindy. C'est sa secrétaire et il m'a envoyé la photo. Regarde. Non, mais regarde c'est la photo. Regarde la photo de Cindy, elle est belle. Regarde la photo, putain. Moi, j'aimerais bien me la faire, Cindy. Il a pas de chance, hein. Et toujours Céline qui vous accueille au 0825 08 5000 et pour les Belges au 0 33 05 08 5000. C'est quoi l'adresse internet? C'est www.funradio.fr. Et sur le Minitel? Comme Minitel, il n'y en a pas. Connard. Voilà, donc sondage. Eh, dans ton cul, tu te calmes. Ta gueule, c'est moi qui commande. Sondage, qu'est-ce que le harcèlement sexuel? Alors, 92% pensent que c'est une simulation au sein de l'entreprise, ça c'est vrai. 72% pensent que c'est de la mise en place de la politique de retour des femmes au foyer. Ben ça, non, j'y crois pas trop. 52% pensent que c'est le hobby préféré de Candy. Je vois pas du tout le rapport. 22% pensent que c'est passé un agréable moment. Ça, oui. Et 7% pensent que c'est une pratique que l'engagière niette. J'ai rien compris, Gérard. Hein. C'est pas grave. Donc voilà, donc suite du débat. Donc question, c'était peut-il être sexy si le patron vous le demande, Jabal? Eh bien non. Moi je suis contre ces méthodes. Je veux dire, si j'ai envie de m'habiller un jour en pantalon et que mon patron fait chier, ben je voilà, il a qu'à venir travailler en string s'il n'est pas content, mais je refuse. D'accord. Dev Superstar. Bah moi je dirais que ça dépend par rapport au. Si tu veux, par rapport aux lois du travail, quoi, qui régissent le monde du travail. Parce que sexy, ce que, par exemple, si toi, t'es patron, ce que toi, tu vas pouvoir trouver sexy, peut-être qu'un autre patron, il trouvera pas ça sexy. Ouais, non, mais moi, de manière... Bah, c'est toi qui commandes dans ton émission, on est d'accord. Bah oui, mais moi, de manière, je demande pas à la nana qu'elle s'habille sexy, j'en ai rien à foutre, elle s'habille comme un beurre. Est-ce que t'appelles sexy? Non plus, attends, je suis sûr que si... Attends! On se calme un peu là, il y a Jabal qui me disait. Excuse-moi, non mais ça dépend ce que tu appelles sexy. Est-ce que c'est juste mini-jupe ou petit tailleur, c'est peut-être sexy, ou c'est maquillage à outrance et, maquillage, c'est bon, pas une bombe. Et Gérard, est-ce que c'est sexy, est-ce que c'est quoi? C'est un décolleté, une mini-jupe, c'est ça? Ouais, voilà, ce genre-là. Porter ces fringues-là pour un patron d'entreprise, ça fait mauvais genre. Non, mais pour une nana, je parle. Hein. Ah, d'accord, oui. Ah, bon. Non, faut-il être habillé sexy si le patron vous le demande? Donc, je précise bien, c'est pour une nana. Ouais. D'accord, c'est pas pour les mecs. Bah oui, parce que le mec, il peut aller travailler en short. Non, le haut de la chemise ouverte, c'est sexy. Ah bah ça, de toute manière. Dans les tuyaux, là, GG, le haut de la chemise ouverte. De toute manière, il y en a beaucoup, hein. Il y en a bien qui viennent travailler en short. Gérard, t'as le bas de la chemise ouverte, hein. C'est vrai, hein. Toi, t'as le bas de ta braguette qui souffle parce que t'es en train de piquer toutes les nanas des autres. Ouais, c'est très drôle, hein. D'accord. En de bon entendeur, salut, quand je passe des annonces, c'est toi qui me pique les numéros de téléphone, maintenant je le sais. Question internet. Oui, question internet de Mister Cousin. Peut-on être sexy avec une moustache au milieu du visage? lui, je lui ai dit qu'il allait se faire enculer par sa mère, ça ira plus vite. Avec un gars de ceinture, ouais. Ça lui a pas suffi, hein, visiblement. Je crois que, de toute manière, c'est même plus la peine de m'interrompre pour celui-là, j'y répondrai plus du tout, hein. Comme ça, il va aller vite. Joël Star. Pour moi, il n'y a pas photo, tu vois, entre une fille qui se présente avec une belle jupe à fleurs, tu vois, des talons hauts, une belle petite fille et une fille qui se présente en jogging avec des baskets Leader Price, tu vois, pour moi, il n'y a pas photo. Hein. Ouais. Précise bien les marques, espèce d'abruti. Des baskets à 2 euros. Des baskets à 2 euros. À 2 euros. Et des joggings à 3 euros. Attendez. Je vais régler mes comptes avec le standard parce que je sais pas. À mon avis, je crois qu'elle a pété les plombs parce que son copain n'est pas là. Donc Céline, s'il te plaît. C'est toi qui l'excite. On se calme. D'accord. On se calme et on répond correctement aux auditeurs. On ne rigole pas. Oui, Gérard. D'accord. Merci. Pedro, ça suffit avec tes sons. Cela, je viens de te voir faire. Il y a personne derrière. Il n'y est pas. Ta gueule. Alors, je préviens que si ça commence comme ça, ça va aller, ça va être très vite. Il y aura plus de débat bientôt. Hein. Alors, commencez pas à me casser les couilles avec des sons pourris. Non, Gérard, ne nous quitte pas. Donc, Joël Start, t'avais fini de répondre ou pas? Ouais, bah, je te disais donc, tu vois, pour moi, il n'y a pas photo. Entre une fille bien habillée, jupe à fleurs, et une fille en jogging, basket à 2 euros, il n'y a pas de photo, quoi. Ok. Non, mais tu peux être bien habillée et ne pas être sexy, enfin, je sais pas. Il n'y a pas photo, c'est tout. Voilà. D'accord. Siam? Non, Sayan Soupacroute, tu peux dire mon nom correctement? Si je veux. Bah, attends, Gérald, moi, je vais t'appeler Gérald. Alors Gérald, moi écoute, dans ma profession, moi je suis fossoyeur, donc en fait il y a un uniforme, donc les filles elles peuvent pas s'habiller sexy, parce qu'après quand on creuse les trous et tout, tu imagines si la nana elle est, je sais pas, en petite mini jupe et talons aiguilles, ça c'est pas pour bosser, tu vois, faut être dans une tenue adéquate qui correspond au travail que tu vas effectuer. On peut mettre des bottes talons aiguilles. Hein. Donc creuser des trous, des bottes à talons aiguilles, je crois pas que ça le fasse. Avec le talon, avec le talon. Mais bon, nous on a un uniforme, hein, donc c'est en fait on a pas trop le choix, c'est réglementé tout ça, tu vois, c'est contingenté quoi. Bah moi je peux vous dire une chose, que jusqu'à maintenant, bon, j'ai pas eu l'occasion de voir des femmes. Si, j'en ai vu une il y a pas si longtemps que ça, bon, pour aller se présenter, elle était en jean vert, bon, bah, c'est tout, hein. Ah ouais, c'est jean vert, parce que toi tu traînes avec des manouches aussi, laisse tomber. Non, attends, GG, c'est super tendance, le jean vert. Il était vert parce qu'il était pourri. Attends, c'est des bohémiennes ou quoi? Siam! Au revoir. Non, je suis pas d'accord. Bah, t'es pas d'accord, c'est moi qui commande, je lui ai dit au revoir, c'est tout terminé. Bon, on dit au revoir, on dit à bientôt, hein. Hop, terminé. Mais il faut respecter, c'est son kiff, c'est les gitanes, il faut respecter. Bah, fais gaffe, je vois ça, parce que tu risques d'en faire autant. Respect. Mais je préviens tout de suite que j'ai pas l'intention d'entendre trop de conneries ce soir. T'as bien raison. C'est mal parti. Ok, donc voilà. Question internet, non? Non, juste un point, on est 7272 pour l'instant, à 1h07. T'as même pas de poids, là, ta teub. C'est vrai. De toute manière, je préviens tout de suite que si j'entends encore un truc comme ça, ça ira pas jusqu'à 2h du matin, ça ira jusqu'à 2h45, à 1h45 terminé. Donc c'est un avertissement. Oh, mais le mieux, c'est de pas y faire attention. C'est un avertissement. Stony Bunzik. Non, Stony Buggy. Ah, mais qu'ils arrêtent de prendre des noms de chanteurs parce que ça m'énerve. Bonsoir, mais c'est pas un chanteur. Non, presque pas. C'est Stony Buggy, la dune du Pilat, 118. Bonsoir tout le monde. Salut. Bonsoir. Donc la question, tu veux y répondre? Non. Ouais, tu peux me la rappeler vite fait? Oh non, mais attendez. Attends, c'est le standard, tout ça. De toute manière, avant que vous appelez le standard, vous écoutez les questions, ça va aller deux fois plus vite parce que je vais pas m'amuser à passer mon temps à vous répéter les questions. Parce que j'étais charmé par Céline, en fait. Tu fermes ta gueule, je te répète la question. Ok, je ferme ma gueule. Faut-il être habillé sexy si le patron vous le demande? Question de monsieur Cousin. Ta gueule, ma mère a ton cul, connard. Moi, j'ai noyé sur mon sperme. Moi, je pense, GG, qu'en fait, une femme se doit d'être sexy au quotidien, quand même. C'est-à-dire? Elle a pas besoin d'attendre que son patron lui demande. Elle doit être sexy tous les jours pour aller travailler. Bah ouais. Bah ouais. Quelle bande de machos. Mais non. Bah si, c'est les femmes, nous, on peut venir en survêt, en vieille pompe et tout, mais les femmes, elles sont un peu sexy quand même. Non, mais attendez, moi, c'est pas parce que je vais prendre la partie des deux. D'ailleurs, apparemment, je crois que on veut tous se la jouer. Mais en fin de compte, si on veut tous la jouer, en fin de compte, on est perdant. Parce qu'en fin de compte, les nanas, c'est vrai que si on veut obtenir quelque chose de bon, faut qu'elles soient bien. Ah oui, quand même. Donc automatiquement, si le patron demande qu'elle s'habille sexy, si elle veut pas, elle est pas obligée d'écouter le patron. Et maintenant, si le patron est pas content, eh ben il a qu'à se faire encouler. Non mais attends, GG, regarde, il y a des professions aussi, t'imagines? Non mais attends, dans toutes les professions, t'as pas besoin d'être en mini-jupe, je suis désolé. Attends, si t'es ouvrière. Et Gérard, j'ai une question à te poser, excuse-moi. C'est qui? C'est Dave, Superstar. Ouais. Question à te poser, je voudrais savoir si, par exemple, dans le cas d'une péripatéticienne, elle est obligée de s'habiller sexy. Attends, comment tu veux... Une péripatéticienne. C'est quoi ça? Pardon? C'est quoi? Une pute. Une péripapépépute. Oh non, mais attends, mais les putes, elles s'habillent comme aveugles. Bah oui, mais attends, elles ont bien un patron, certaines. Mais de toute manière, les patrons, tu sais où qu'ils sont, ils sont à l'étranger. Ah bon? Bah alors, on va pas parler de ça. Et on, excuse-moi, moi j'y connais. Non, mais attends, parce que là, j'y connais pas grand-chose. Non, non, mais attends, dans ces cas-là. Ils sont au Brésil, hein, les patrons. Ah, ils sont au Brésil, là. Bah ouais, mais attends, parce que c'est des mecs qui les font revenir. C'est les mecs qui les font revenir et puis qui empochent le pognon, c'est tout. Mais moi, pour répondre à la question de Jabal, là, parce qu'apparemment, vous dites que si. Faut que ça soit sexy. Ah ben moi je peux vous dire une chose que non, il n'y a pas besoin d'avoir quelqu'un de sexy dans. Attends, GG, si t'es hôtesse de l'air, t'as envie de te faire servir toi dans l'avion par une meuf avec un vieux survêt orange. Non mais attends, attends, je précise pas hôtesse de l'air, attention, attends, bah, attention. Ça, ouais non mais attends, ouais mais alors attends, dans ces cas-là tu prends les professions d'hôtesse de l'air. Donc est-ce que tu crois que les infirmières doivent être habillées sexy pour nous soigner? Ah bah oui, ah, moi ça aide. C'est la moindre des choses. Ah ouais. Ouais, non parce que maintenant c'est terminé, on voit plus comme avant. Elles sont classe hein. Prends pas ta voix de PD, toi, derrière. Quelle voix de PD, où ça? Bah, parce que j'en connais un tout à l'heure, s'il prend trop sa voix de PD, il va gerber. GG. Ouais. Toi qui as fréquenté un peu. C'est qui? C'est Sony Buggy. Ouais. Toi qui as fréquenté un peu les hostos, ça a changé au niveau des infirmières? C'est plus que c'était ou quoi? Ah non, maintenant c'est terminé, hein. C'est la vie beau maintenant. C'est quand même un mythe, hein, les infirmières, parce que franchement, vous regardez bien, elles sont pas toutes belles, hein. Ouais, attends, ça dépend, parce que moi. Aussi de la bonne vieille, toute conne. Non, hey, Javal. Ouais. Et moi, je vais te dire une chose, que quand j'ai eu mon accident, je vais te dire une chose, que c'était pas des vieilles. Oui, elles étaient mignonnes. C'était la compensation, ça, parce que tu maintenant, t'es. Ça, c'est la morphine. Ouais, ouais, c'est ça. Tu peux même avoir du goût aussi, quoi, donc. Jamal, reste quand même un peu poli, s'il te plaît. Je suis poli, j'ai dit aucun gros mot. Non, parce que sinon, je vais pas continuer à prendre pour l'instant, tu es la seule femme. Oui. Ouais. Je ne vais pas continuer à prendre la défense des sexes faibles. Faut bien se dire. Ok. C'est bon là-bas, hein. Avec le sexe faible. Alors, si le patron vous met la main au fait. Oh, c'est bon? Vous écoutez la question ou vous vous foutez de ma gueule? Peut-être la fous dans le cul, là. Ah, bah alors. Bah, dis donc. Bah, qu'est-ce qu'il y a? Mais Pedro, la merde. Il y a des trucs qui partent. Pedro. Ou quoi? Qu'est-ce que tu Pedro! Mets des doigts. Quoi? T'as abusé. Tu arrêtes un petit peu tes conneries, qu'est-ce maintenant. Qu'est-ce que j'ai fait? Je te préviens, tu arrêtes! Bande d'enfoirés, les baditeurs, j'ai rien fait. Tu mets des trucs dans son cul quand même, c'est pas bien. Bon alors, Joestar. Joestar? Enfin! Non, c'est pas Joestar, il a rien fait. C'est qui? Mais j'en sais rien, mais c'est pas lui, j'en suis sûr. Mais pourquoi tu prends la défense des auditeurs? Je dis au revoir! Bon, on lui dit au revoir. Non, tu fermes ta gueule maintenant, au revoir. Terminé. Bon, d'accord. Bon, bah, désolé, hein, Joestar. Des cotons-tiges dans son cul. Ah, bah, tu vois, c'était pas de jouer, hein. Tu vois que c'était pas lui, non, pas non, mais même, j'en ai rien à foutre. De manière, ça commence à bien faire. C'est toutes les semaines que c'est comme ça. Bon, et je pense que ça va mal se terminer. Non, allez, continue, Gérard. Si le patron vous met la main aux fesses pour vous, c'est du harcèlement. On va demander à Stony Budzig. Est-ce que c'est du harcèlement? Écoute, moi, je me fais rarement toucher le boule par mon patron, en fait. Si le patron! Bah, par mon patron, en même temps, s'il le faisait, c'est clair qu'à mon avis, il y aurait Anguille sous roche, tu vois, quand même. C'est-à-dire? Bah, à mon avis, il essaierait de me faire passer un message, quand même. T'aurais pas une petite érecte, quand même? En même temps, non, je sais pas si je serais réceptif au message, tu vois. Mm-hmm. Mais ça, c'est chacun son truc, en fait. Je veux dire, toi, quand tu te fais toucher le drageau, est-ce que ça te ferait quelque chose si c'était par un gradé ou un truc comme ça? Mm-hmm. Ça te brancherait, toi, ou pas? Non. Non, toi, c'est pas ton kiff non plus. Dame, hein. par derrière de Toulouse qu'on accueille. Bonsoir. Oui, c'est J'aime par derrière. Toulouse, 103. J'ai dit que je voulais des nanas pour la dernière demi-heure. Alors. Oui, Gérard, mais je suis désolée, il n'y a pas assez de filles. Ouais, bah, bien sûr. Il n'y a que des mecs pour toi. Gérard. Sur le harcèlement. De manière, c'est pas un débat pour les mecs, c'est un débat pour les nanas, normalement. Oui, c'est une petite annonce, là. Non, mais il faut écouter tous ces matchs aussi. Bah, ouais. Ouais, mais de manière, si tu les écoutes bien, à force, maintenant, on va savoir comment se défendre. Bah, donc, voilà. C'est nous qui harcelons, hein, c'est pas les filles. Bah, oui, ouais. Attends. Ouais, mais manque de poste, c'est que souvent, il y en a aussi qui arrêtent pas de nous harceler. Non, c'est vrai. Bah, tu te fais harceler, toi? T'as des noms? Mais Gérard est très sec ce soir, il faut le savoir. Non, bah, ça, pour l'instant, j'ai pas encore, j'ai déjà dit tout à l'heure, j'avais pas ma chaussure à mon pied. J'ai fait courser par des caisses dans la rue, mon pied beau. C'est pour ça que ça pue. Une tongue de 43. Céline. Oh là là. Céline, ça va se régler, là. Alors, fais ton standard, Céline. Fais le standard. Fais bien comme il faut ton standard, parce que je crois que la semaine prochaine, tu vas, ou dans 15 jours, tu pourras dire adieu bureau, à ta place du standard. Gérard, ouais, non, mais tu diras peut-être au revoir à la place lors des débats. D'accord. On t'apprendra par dessus. Adieu. Dev. Bah, moi, je dirais au niveau de la main aux fesses, si tu veux que. tout dépend un peu, d'abord, à quelle fréquence, au niveau des répétitions, hein, c'est-à-dire qu'une fois, bon, ça passe encore, mais plusieurs fois, ça peut devenir du harcèlement. Et puis ensuite, je dirais que ça dépend de la région où tu mets la main. Si c'est le plus près de la nue, et ben, le plus c'est considéré comme du harcèlement, moi, je dirais. Ah, c'est clair. Du harcèlement anal. Ouais. J'aime par derrière. Ouais. Moi, je suis assez d'accord avec Dave. Ça dépend de la région où tu touches, tu vois. La région pubienne est plus plus poétique que la région anale, quoi. C'est clair et net. Mais bon, il faut pas trop tapoter non plus. Il y a c'est tout dans l'éclairage de la fesse, quoi, si tu veux. D'accord. Et pour terminer, Jamal. Eh ben, écoute, ça dépend en fait. Tu vois, il peut te frôler comme ça, ne pas faire exprès. Bon, bah là, tu peux te poser des questions. Bon, si c'est franchement la main dans la culotte, là, tu peux te demander. Il n'y a pas franchement du harcèlement là. Non mais même, faut bien se dire une chose déjà. Bon, non, mais là, il y en a qui vérifient quand même, tu vois, pour savoir si vraiment c'est des choses. Non mais même, de toute manière. Attendez, faut bien vous dire une chose. C'est que déjà, même si le patron met la main aux fesses à une nana, pour moi, c'est du harcèlement pur et simple. Dans ces cas-là, vous croyez pas que c'est du harcèlement? Si le patron demande toutes les 5 minutes à la secrétaire, vous m'avez envoyé mon papier, mademoiselle, vous m'avez réservé mon billet d'avion, vous pouvez me ramener un café, vous m'avez réservé une place au restaurant. Mais attends, mais les nanas, la nana commence à en avoir ras-le-bol à la fin. C'est du vécu, ça. Mais attends, c'est peut-être le boulot de secrétaire, mais il y a des limites. Attends, Gégé, si c'est fait dans le respect de la nuit des autres, ça va. Hein. Ouais, mais attends, toutes les deux ou trois minutes, il va s'amuser à téléphoner. Madame, mademoiselle, vous avez pensé à me faxer ceci, cela? Non, mais attends. La secrétaire, elle a que deux mains, elle a pas 50 mains. Hein. Non, mais Gérard, franchement, tu sais ce qu'on dit, hein, un petit doigt, ça engage à rien, ça entretient l'amitié. Ouais, non, mais d'accord. Mais attends, mais quand tu vois ça, parce que moi, je vais te dire une chose. Oui. J'en ai entendu parler, et de manière que si vous avez vu le film, Dans ton cul. Promotion canapé, je peux vous dire une chose, c'est pareil. Hein, c'est strictement pareil. Alors, quand tu vois l'autre, mademoiselle, vous pouvez pas vous pencher un peu plus? Attends, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, ce genre de truc? Mais pour moi, c'est du harcèlement. Mais quand elle se fait piquer du pognon, tout ça, c'est pas. Et puis que l'autre, il la met ailleurs. Non mais attends, mais c'est pour moi, c'est strictement du harcèlement. Les nanas, les secrétaires ne sont pas payées pour faire la bonne. Elles sont payées pour faire le boulot de secrétaire, non pour dire que le patron lui dise « mademoiselle, vous me réservez un billet d'avion, aller-retour et tout ». Ouais, mais c'est peut-être son boulot, mais elle est payée. En tant que secrétaire, pas comme une chienne, c'est tout. Elle n'est pas payée. Absolument. Elle n'est pas payée comme une chienne, elle est payée en tant que secrétaire. Parce que les trois tiers des patrons les prennent pour des siennes. Voilà, et je suis désolé. La main au pénis aussi. Pas du tout. Mais si, mais attends, Jamal, toi, tu travailles dans quoi? J'attends. Tu travailles dans quoi? Je suis secrétaire, je voulais pas te le dire. Comme par hasard. Oui, et tu subis pas ça? Mais si, mais pourquoi? Mais alors? Mais on se suit sous les bureaux et alors c'est amical. Mais ouais, mais attends, mais dans ce cas-là, tu crois que t'appelles pas ça du harcèlement sexuel, pas toi? Pas du tout. Ah non, dis donc, je sais pas ce qu'il te faut alors. Attends, je serais harcelé si j'étais pas d'accord. Déjà le facial à la machine à café, c'est abusé. Non, mais attends, faut quand même pas déconner. Et quand il vous dit vous pouvez pas faire une demi-heure de plus, tu crois que c'est pas du harcèlement? Mais c'est clair. Non, mais oui, bien sûr. Et puis après, il va te demander, tu couches avec moi, et puis c'est bon. Ouais, bah voilà. Ouais, oh. C'est bon, hein. Oh là là, ces patrons, ils sont incroyables. De toute manière, les patrons, ils en profitent sur le sexe féminin. Voilà. Mais c'est tout. Les patrons, de toute manière, ils sont tous les patrons sont des cochons. Ouais. C'est tout. Et ça va faire plaisir à Victor. Bah, Victor, si tu nous écoutes. Ça va faire plaisir à Victor. Ouais, mais de toute manière, Victor, il a que des cums pour travailler dans son équipe. Ça veut dire quoi, ça? Et voilà. Si tu nous écoutes aussi. Question Internet. Alors, question Internet, on est 8212. Une question à propos des promotions canapé. Tout à l'heure, c'est Francis Gabon qui te demande ce que tu penses des promotions petit four. Ah, super. Je vois pas le rapport avec le film que je viens de parler. Promotion petit four, ça existe pas chez moi. Bah, c'est comme promotion canapé, mais. Ouais, mais ça, c'est. Gérard, c'est pas la suite de promotion canapé? Mais Gérard, avec Sandy, c'était un peu promotion pouf. Sandy? Ouais, je crois que c'est vrai, non, en fait, non, ça. Non, non, non, non. Au revoir! Non, si. Voilà, hop. La mitraillette, t'as de la chance. T'as le droit, ouais. Au coup de mitraillette, que son âge avant qu'on prenne la question. De toute manière, tout le monde avait répondu à la question. Ouais. Donc, ok. Quelles sont les professions qui sont les plus prospices au harcèlement sexuel? Alors, 80%. Prépuce. 80% pédagogue. Je sais pas ce que c'est. 70% les pédagogues, Gérard. Pédagogue, ouais, monsieur. On dit des pédagogues. 70% gérontologue. Oh, punaise, vous allez chercher des mots que ils sont durs pour moi à dire à 1h15 du matin. 50% les sinologues. 30% les taxidermistes. Voilà. Et 15% les péripatéticiennes. Alors, tu peux nous dire, c'est quoi tous ces métiers? Ouais, voilà. Ouais, c'est voilà, j'en sais rien. Explique-moi. Ah, bah, alors, j'en sais rien du tout. C'est pas moi qui ai fait les sondages. Tu dis des trucs, c'est pas à moi qu'il faut s'adresser. Vous demandez là-bas, à la standardiste, elle va vous répondre de ce que c'est. 0825-08-5000. C'est Céline au 0825-08-5000. Donc, si vous voulez savoir ce que ça veut dire, tous ces noms-là, eh ben, vous lui demandez, parce que c'est... Et on vous passe à l'antenne. C'est honteux. Voilà. Et on vous passe à l'antenne. Gérard, donc, les taxidermistes, c'est les empailleurs de chauffeurs de taxi. Ouais. Oui, absolument. Et c'est vrai, en plus. Non, ben ça, chauffeur de taxi, ça m'a, c'était marqué dedans. Et à ne pas confondre d'ailleurs avec les taxis merdistes, qui sont des taxis très, très mal polis. Ouais. Comment? Les taxis merdistes. Oui. Ouais. On accueille Cool Chienne, Vitry 101.9. Vitry sur Chienne, bonsoir. Cool, Vitry sur Chienne, espèce de con! Bonsoir. T'as compris, sale chienne? Bonsoir, Vitry. Eh oh, tu parles pas à quelqu'un de ta famille, là, du calme. C'est pas le secrétaire. De manière, s'il me fait chier, ça va aller vite, lui. C'est énervé, Gérard. Allez, au revoir. Ça commence bien. Arrête, allez. Tu viens d'arriver. Arrête, tu viens d'arriver. Non, arrête, pop. Mitraillette terminée. Oh putain, tu crains. Ça y apprendra d'être poli. Arrête, mais il n'y a jamais des filles qui vont venir leur faire peur. Ça y apprendra d'être poli avec moi avant que je lui dise bonsoir. Attends, on va le calmer au standard et il va revenir. Non. Si, on va le calmer. Non. Si. Gérard, pour calmer le débat. On le calme au standard, il s'en va. Et tu le reprends pas sous un autre nom, Céline. Il faut quand même pas déconner. Non, Gérard, t'es pas con. Ouais, pour calmer le débat, 30 secondes, une question très pertinente de Epsilon qui demande combien d'années il faut étudier pour devenir harceleur professionnel. Il n'y a pas besoin de faire des études. Non, il n'y a pas besoin d'études. La honte à tout le monde. Parce que là, c'est pervers. C'est la révision en ce moment. Donc, Non, mais il n'y a pas besoin de faire des études pour être pour harceler. Ça n'existe pas, ça. Tu penses qu'il n'y a pas un CAP pervers? Non, pas du tout. Même pas un BEP? Non plus. C'est beau un Internet la nuit. Ouais, il y a du monde, hein. On était à 8212 et il y a du bon monde. Ah ouais, bien. Et la semaine dernière, on était à 20716 quand j'ai fait la conclusion du débat sur le SM. Mais tu déchires, pas mythos. Donc voilà, on en est loin là. Ouais, mais de toute manière, c'est pas grave. Donc peut-on se suicider à cause d'un harcèlement sexuel? On va demander à J'aime Pardier. Ouais, la contraction. Je pense que non, le suicide est un échappatoire à tout ça et c'est pas la bonne chose. Je crois qu'il y a des trucs pour justement porter plainte, genre les prodomes du cul, des délires comme ça quoi. Là tu portes plainte, tu dis bon bah mon patron... Non mais attends, commence pas à bouffer les questions, tu veux? Pourquoi? Parce qu'on va... Il y a une question sur les prodomes du cul? Non mais il y a une question justement sur les histoires de plainte, alors commence pas à me bouffer les questions. Bon bah j'arrête là. Alors. Merci. Très bien. Et on accueille Raga Phobique 117.7. Bonsoir GG, c'est Raga Phobique. Du Raga Phobique. Bonsoir l'équipe. Bonsoir les auditeurs. Bonsoir. Salut. Ça va bien? Ça va? T'as passé un bon week-end? Le harcèlement sexuel. Bah, c'est bien alors. Peut-on se suicider à cause du harcèlement sexuel? Donc je répète la question pour Raga Phobique qui était pas là. Bah écoute, moi je pense qu'il faut pas tomber dans de telles extrémités. De toute manière, c'était pas à toi que je m'adressais. Hein. Ah bah moi, j'étais chaud, je me barbe là. Hein. Est-ce que quelqu'un peut dans le studio? Donc, donc vas-y alors, Raga. Moi, je dis qu'il faut pas en arriver, donc je te disais, de telles extrémités, parce que c'est dommage pour du harcèlement quand même, alors qu'on peut passer un bon moment entre gens, tu vois, qui se comprennent. Et non, tu vois, on peut pas en arriver là, autant faire prendre une cartouche qu'aller se foutre en l'air, quoi. Ouais ben d'accord. J'aime. C'est clair, non mais t'es d'accord avec moi. Je répondrai tout à l'heure. J'aime. Ouais, ben j'ai répondu hein. T'as répondu? Ouais. Ah bon. Dave Superstar. Bah écoute, ouais, ce serait dommage d'en arriver jusque là quand même. Hein. Ça vaut vraiment pas le coup de se foutre en l'air parce que bon, on a eu une petite main aux fesses ou un tripotement de pénis quoi. Je trouve ça un peu ridicule. Non mais d'accord. Bon, bah... Jamal, pour finir. Moi, je dirais d'abord qu'il faut que tu changes de taf avant de te suicider. Pourquoi? Bah, comme ça, tu vois, si ça se trouve, ça vient de toi. Bah ouais. Harcelé parce que tu le cherches. Tu non, changes de taf et puis tu vois si on te harcèle encore et si ça vient de toi. Bah, c'est peut-être toi, en fait. C'est peut-être non, toi non, mais attendez. Ou alors avoir recours à la chirurgie esthétique pour, je sais pas, te raboter le cul ou un truc comme ça, tu vois, pour faire en sorte que ça provoque moins. C'est pas moi. Je préviens tout de suite, c'est pas un débat sur la chirurgie esthétique, c'est un débat sur le harcèlement, d'accord? Ça n'a rien à voir du tout. Faut pas confondre tentacule et encule ta sœur. GG, moi je te... C'est qui? C'est Ragaphobique. Moi, je te connais un peu. Est-ce que tu penses pas que c'est aussi peut-être éventuellement un peu toi qui provoque le toucher rectal éventuellement? Non. C'est-à-dire t'as ta part de responsabilité dans tout ça. Pourquoi? Attends. Il faut être deux quand même. Choper des doigts avec son anus ventouse. Là. C'est quand même beau gosse. Il faut être deux quand même. Non, mais de toute manière, moi je peux vous dire une chose que je sais pas si vous, il y en a qui se suicident à cause de ça aux États-Unis. Ah, merde. Aux États-Unis, pour vous dire une chose. Là-bas, c'est du harcèlement sexuel de compétition, c'est pas la. Ouais, mais même. Mais dans ces cas-là, si ça continue comme ça, ça viendra aussi chez nous, hein. Tu crois? Ah bah oui, parce que avec les transports aériens, c'est vite fait. Hein. C'est vrai. La Manche. En même temps, on va pas s'embarquer là-dedans. Mmh. Maintenant, ça va vite. Hein. Mmh. Ouais, mais ça, de toute manière, faut bien vous dire une chose, que c'est comme ça et c'est tout. Voilà. Donc le harcèlement, justement, on parlait des États-Unis, on y va. Donc le harcèlement sexuel existe-t-il plus en France que dans les autres pays? Donc on va demander à Raga. Écoute, moi je pense que ça existe un peu partout en Europe. Mmh. Donc en fait, Europe, c'est-à-dire États-Unis, Canada, trucs comme ça, quoi. Mmh. Plus... dans d'autres pays, hein. Dans les dom-tom, tu sais, quand il fait chaud, tout ça, on a un peu, tu vois, on est en maillot de bain, la playa, tout ça, donc bon, ça... Ça dérape toujours un peu plus facilement que chez nous. Je veux dire, si t'es chez les Inuits, t'as gros Esquimaux, les moufles et tout. Je veux dire, tu mets une paluche aux fesses avec les moufles, la nana, elle sent rien, quoi. Alors, d'accord. Si t'es là, un petit bikini ou un string, tu vois, tout de suite, voilà, quoi. Hein. Jem? Ouais, je pense qu'il y a plus de pervers aux États-Unis qu'en France, ouais. Non, mais dans d'autres... Ouais, mais ça, de toute manière, que ça soit dans d'autres pays ou en France, d'ailleurs, ça se précise. D'ailleurs, tu es au courant de ce qui s'est passé, là, avec Bill Clinton, quand même. Bah ouais. Qui a harcelé sexuellement sa stagiaire, parce qu'on ne sait pas encore... Quand je disais s'il y en a qui se suicident, ou quand je parle s'il y a du harcèlement sexuel plus en France que dans d'autres pays, donc voilà. Attends, donc enfin... Suicidé, Clinton. Ouais, non, mais d'accord. Mais elle a quand même porté plainte pour harcèlement. Oh, mais c'est pas un suicide. Elle a kiffé cette cochonne. Clinton, il n'a pas été réélu, hein. Ouais, mais d'accord. C'est vrai. Dave Superstar. Moi, je pense que là où il y en a le plus des harcèlements, c'est dans les pays où, tu sais, les gens ont un peu le sang chaud, quoi. Les Latins, l'Italie, l'Espagne, le Portugal. Ouais. Tous les pays du pourtour. Du pourtour, Non, honnêtement, Jamal, pour finir. Pourtour plus bien. Les garçons ont raison dans ce qu'ils disent, c'est que plus il fait chaud, plus t'en enlèves, et plus t'en enlèves, plus ça donne envie, quoi. Bah ouais. Bah ça, en principe, oui, hein. Ça, c'est sûr. Hein. Avant que je réponde, on va faire un... Comment on se suicide les femmes harcelées? En se mettant la tête dans ton cul. Alors. Dave! Mais c'est pas moi. C'est pas Dave. Non, c'est pas Dave, je suis sûr. Je veux pas le savoir. Arrête de prendre la défense. Occupe-toi de me mettre la... Au revoir. Le prochain disque. C'était un plaisir, Dave. C'est coulé, là. Ouais, au revoir. Non, mais quel rapport, là? Pourquoi tu parles de suicide, là, sérieux, là? Bah ouais, c'est pas bien, ça. De toute manière, ça existe, malheureusement. Mais tu as pensé, toi, à te suicider? Non, pas du tout, encore. Faudrait déjà que tu te fasses harceler, quand même, avant. Bah déjà, faudrait que... on verra. Comment se suicident les femmes harcelées? Alors 90% en se bourrant de cachets comme une photocopieuse. Et ça, c'est vrai qu'il y en a qui prennent des cachets. On s'entend tes aisselles. Ta gueule. 70% en s'emplantant des râteaux de jardinier, ça je vois pas comment. 50% en se pendant avec du PQ dans les WC de l'entreprise. Alors ça, je me demande comment ils font. 30% en se branchant un vibromasseur de 550 watts. Ouais, mais ça, c'est bizarre parce que ça fait rappeler. 550 volts. Mmh. Je vais dire une chose. Oui, que le 10%, j'avais dit déjà que je ne voulais plus en entendre parler de cette histoire. C'est donc ils ne seront pas quel 10%. Gérard, tu vas gérer tes spaghettis. Pas de censure, Gérard. Pas de censure, c'est des sondages. Voilà, terminé. En fait, le 10% est été suicidé par les spaghettis de Gérard au yaourt. Non, mais ça, il est hors de question que des sondages comme ça soient faits. C'est tout. Voilà. Tant qu'on y est, on va continuer. Comme ça sera fait. On va se terminer. Hein. Vas-y. Allez, trace. Alors, dans quel cas les femmes se sentent-elles harcelées? 91 pour... Ta gueule! 91... Pedro, ça commence à bien faire maintenant. Ah ben moi vous vous démerdez, il y a un disque dès que je finis les sondages. Ok, vas-y, bah tu vas chanter alors. 91% quand on leur fait pouet camion, ouais bon ça c'est quand tu leur appuies sur les seins. 71% quand on leur refuse un ventilateur, je vois pas pourquoi, parce qu'ils ont trop chaud dans les bureaux. Et ça c'est... Ta gueule. 51% quand on leur demande de passer sous le bureau, ça c'est peut-être vrai aussi. 31% quand le comité d'entreprise leur offre un fouet, donc je vois pas pourquoi. Et 11% quand elles passent leur temps à la photocopieuse. Et ça, c'est vrai, ça existe aussi dans les photocopieuses. Les gens qui les pas. Et pourquoi existe-t-il fréquent qu'une femme couche avec son patron, parce que... Alors, 85% des secrétaires sont blondes, ça c'est vrai, parce que les trois quarts des nanas qui sont embauchées sont blondes ou brunes aux yeux bleus. 65% pensent que c'est difficile de penser, de penser à quoi, on n'en sait rien. 45% pensent que ça fait partie de leur travail, ça c'est faux. 25% pensent qu'il faut en vouloir pour pouvoir, je vois pas du tout pourquoi. Et 5% pour avoir une, quand même 5% pour avoir une augmentation, je crois que c'est un peu faible. Hein. J'aurais mis plutôt 90% pour une augmentation. Donc voilà, oui. T'as quand même peu d'estime en la gente féminine. Ouais je suis désolé, c'est comme ça, c'est tout. C'est pas hétéro, c'est tout. Mais c'est pas bizarre, comme ça qu'il y aura une meuf, hein. De toute manière, ça sera pas de main avec, j'en trouverai une, alors. C'est pas que en parlant comme ça que tu vas trouver une nana, hein. Ouais, ça, c'est pas ton problème, c'est le mien, d'accord? Mec, maintenant, il cherche un mec. Et ta mère, elle cherche quoi? Elle cherche une femme? Oh là là, c'était drôle. D'accord. Alors, on va s'écouter. Oh là là. Il est chiant. On va s'écouter griffe-moi de Bibi Chat. Et la question, ça existe-t-il un harcèlement que s'explique dans la musique, théâtre, etc. Et on se retrouve tout de suite au 0803 0805000. Ce soir, les débats du Gérard. Tu te foudrais pas de ma gueule ou tu prendrais pas le train là? L'émission la plus barbare de la bande FM sur Fun Radio. Et voilà, donc, n'ayez crainte, c'était des règlements de compte avec Céline qui se passaient à l'instant, donc voilà. Donc, on venait d'écouter Grégory Griffe-moi des Bibi Chat, et donc, voilà, donc, suite et fin du débat. Donc, alors, la question, c'est peut-on porter plainte pour harcèlement envers son patron? Et on va demander à quelqu'un? Non, j'ai déjà répété les numéros de téléphone où qu'on peut nous joindre, au 0825-08-5000 et 0335-05-08-5000, et toujours sur le net. Ils jamais à nous appeler si tu donnes le numéro. Franchement, ils vont appeler notre radio, là. Et sur le net www.funradio, qui a toujours Simon qui vous attend pour, et on est combien maintenant, Simon? 8901. Oh, 8901. Céline, ça suffit. Je t'aime, Gérard. Ça suffit de balancer des cochonneries. Je t'aime. Ouais, fais ton boulot correctement. Donc, c'est lui qui va te balancer des cochonneries. Ouais. Peut-on porter plainte pour harcèlement envers son patron? Et on va demander à Raga. Ragaphobique, évidemment que tu peux porter plainte contre ton patron s'il y a du harcèlement. Je pense que tu sais que le législateur a statué et qu'ils ont pris des mesures qui maintenant te permettent effectivement de porter plainte. D'accord. Jam. Au lieu de balancer des cochonneries, qui c'est qu'on accueille à la place de Joestar? C'est Monsieur Mazur. Monsieur Mazur. Bonsoir, c'est Monsieur Mazur à l'appareil. Bonsoir, Monsieur Mazur. Je salue particulièrement Mademoiselle Javade. Bonsoir, Monsieur Mazur. Ça y est, c'est bon, on a compris. Quel plaisir de vous retrouver. Salut. Bonsoir. Ça y est, c'est bon. Salut. Oh. Ouais, mais attends, il nous salue. Salut. Pas. Ça y est, j'ai dit maintenant. Ouais, salut, bonsoir, hein, Monsieur Mazur. Bonsoir. Oui, ça va très bien. Ça va, t'as passé un bon week-end, toi? Oui, très bien. Bon, c'est cool, alors. On s'est une bouffe? Oui, quand vous voulez, en effet. Oh, quand Quoi, bon, qu'est-ce qui se passe, Gérard? C'est quand même moi qui commande, alors il va, ça se calme un peu là. Ouais, ouais. Gérard, sinon il va virer. Non, on lui dira. Le débat de Gérard. J'aime pas dire. Je croyais que t'étais parti, non? Mais bon, la famille. Ouais, alors, ouais, c'est vrai qu'on peut prouver, enfin, pour répondre à ta question, autant faudrait-il un temps soit peu le prouver, quoi, que t'as été harcelé sexuellement. Et là, alors, plusieurs choix s'offrent à toi. Alors, soit un caméscope numérique, soit la petite photo. Mais là, il faut prendre à l'instant précis où le patron passe soit la main, soit dans un cas plus extrême, bon, se branle ou tu vois, des délires comme ça. Ok, monsieur Mazur. Encore plus extrême si tu veux. Ouais, monsieur Mazur. Oui, écoutez, je rejoins tout à fait cet avis-là. En effet, il faut des preuves pour porter plainte, n'est-ce pas? Ne serait-ce que, par exemple, un morceau de prépu qui entrerait dans une zone érogène, par exemple. Il faudrait une preuve idéale, n'est-ce pas? J'avale pour finir. Eh bien, effectivement, tu peux apporter des preuves de ton agression, on peut appeler ça une agression. Seulement, les photos et les vidéos ne sont pas valables devant le tribunal. Ce n'est pas recevable, donc il faut trouver d'autres preuves par les collègues ou par tout ça. Mais en général, les patrons, c'est des petits malins, ils ne se font pas voir, ils ne font pas ça devant les autres. Donc toi, tu l'as dans le cul. Alors donc, je reviens sur la question. Et t'as plus libre. Et je peux vous dire une chose, que ce qu'elle vient de dire, en fin de compte, c'est la vérité. Ouais. Et ça, il faut avoir des preuves vis-à-vis des collègues du travail. Mais il faut bien se dire une chose, que les collègues du travail, c'est bien gentil, ils vont vous dire oui, mais au moment de passer devant le tribunal, eh ben, ils vont se dégonfler. Attendez, monsieur Mazur, laissez-moi finir, merci. Et ce qui peut se passer, c'est que après que vous ayez porté plainte contre votre patron pour ça, eh ben, quand vous allez reprendre, eh ben, le patron va vous appeler dans son bureau et puis il va vous dire, bah, puisque vous avez porté plainte contre moi, ben, je vous dis au revoir. Et dans ces cas-là, la seule solution qu'il y a encore pour mieux se défendre, c'est d'aller directement au prud'homme pour exiger des droits. Mais c'est long, non? Non, les photos, comme elle vient de dire, Javal, les photos ne serviront à rien. Attends, la seule preuve qu'il y a, c'est le témoignage des collègues de travail. Oui, mais monsieur Gérard, écoutez, c'est tout à fait compréhensible de la part d'un collègue de ne pas vouloir témoigner en votre faveur. Oui, mais dans ce cas-là, s'il a assisté à la scène, il peut quand même témoigner. Oui, mais comme les trois quarts du temps, les collègues du travail, ils disent oui d'un côté, et derrière, c'est dégonflé. Ils diront oui pour faire plaisir au départ, mais au moment de passer devant le juge, eh ben ils seront pas là. Oui, mais monsieur Gérard, vous-même, auriez-vous été témoigné pour l'un de vos collègues à l'encontre de votre patron et auriez-vous risqué monsieur Mazur, commencez pas à me dire n'importe quoi, parce que déjà, je ne travaille pas pour un patron, d'accord. Mais t'as déjà été témoin d'harcèlement, là? Non, studios, pas du tout. Ouais, mais attends, pas du tout. GG, moi je reviens à l'histoire des photos. Si, par contre, mais attends, tu permets? Il n'y a pas de haut, je m'appelle pas haut. Okay. D'accord, peu de chambre. Tranquille. Donc, j'ai été témoin d'un vol dans une caisse. J'ai voulu défendre la caissière. En fin de compte, ça m'est retombé sur la gueule. Malheureusement. T'as vu ta gueule, c'est normal. On voit ce que ça donne, hein. Alors, gueule de tolard, là. C'est qui? Alors, Jam et Raga, au revoir. Mais non, ils tous sont les deux. Pas, tous les deux, au revoir. Hop, terminé, non, c'est moi qui commande. Au revoir. Arrête de gueuler, Gérard. Arrête de gueuler, c'est bon. Au revoir, les deux. Les deux, on leur dira au revoir, terminé. Comme ça ira plus vite pour moi. Ça ira plus vite et je pourrais mieux continuer mon débat sans les entendre gueuler. On pourra aller plus vite. Donc monsieur Mazur, y a-t-il quelque chose à rajouter? Non, non, absolument rien. Et Jabal, donc pour toi, c'est... Non plus. C'est apparemment, t'es ok sur ce que j'ai dit? En partie. Parce qu'en fin de compte, la seule chose, c'est ça. Hein. Ouais, mais j'ai quand même du mal à être entièrement d'accord avec toi. Pourquoi? Ça me fout les boules. Pourquoi? T'as dit des trucs, mais t'as aussi dit des trucs qui n'étaient pas vrais. De quoi? Attends, mais moi, je peux te dire une chose. Tu vois, si t'as des gens qui sont là, qui participent à la scène et qui sont appelés... Hey, ça suffit, oui? Arrête, Ed. Qu'est-ce qu'il y a? Ah là là, moi il m'en regarde. Il faut arrêter un peu vos conneries là maintenant. Non mais moi il m'en regarde. Question internet. Oui, une question internet, Gérard. Ah, c'est incroyable. Trouve combien on est 8612 pour tes petites stats et on me demande, alors c'est Tomate qui me demande si le harcèlement sexuel est remboursé par la, est remboursable par la sécurité sociale. Non, pas du tout. Dommage. Ah, c'est pas un truc qui se le rembourse, heureusement, parce que, dis donc, la sécurité sociale, elle serait loin. Hein. Ça pourrait être intéressant, non? Ouais, bon, se faire rembourser pour harcèlement sexuel, grave. Ça me paraît bizarre, quand même. Celui qui dit, ça suffit maintenant. Ça commence à bien faire, les conneries. Sachant que ça va pas être à 2 heures que je vais arrêter, c'est dans moins de 2 minutes si ça continue. Ça serait dommage parce qu'on vient de monter là, 8914. Mmh. Donc pourquoi t'es pas d'accord avec moi, Jamal? Mais vas-y, passe à la suivante. C'est pas non, mais grave. Moi je vois qu'on, pour l'instant vous êtes que deux, je passerai à la suivante quand j'aurai d'autres personnes. C'est vrai, question de merde, moi. Bah, attends, toi, si t'es pas content, tu restes à ton standard. Ah merde, j'avais des tu micros. Tu resteras à ton standard. Excuse-moi, non, je croyais que j'avais pas de micro. Excuse-moi. Jusqu'à minuit, après minuit, quand je ferai les débats, t'iras ailleurs. Et c'est tout. Comme ça ira plus vite. Voilà, voilà. Donc voilà. Donc en fin de compte, moi, de toute manière, c'est ce que je ressens sur le truc de porter plainte contre son patron et c'est tout. Si t'es pas d'accord avec moi, Jamal, eh ben tant pis pour toi. Je suis pas d'accord. Eh ben tant pis. Alors quand vous vous faites un numéro rose, un numéro de la personne rose, non même pas, je vais pas faire ça. Peut-on être harcelé dans des lieux publics? Oh, ça suffit maintenant! T'arrêtes de me regarder, j'ai rien fait. Hein. Tu commences à me casser les couilles, Pedro! Le débat de Gérard doit recommencer. Allez, Gérard, vas-y, enchaîne. Et celui qui arrête, quand vous arrêterez de faire vos conneries, vous me pressing! Ouais, parce que sinon, hein, c'est. Ça commence à bien faire! Et Pedro, t'arrêtes! Non, mais c'est vrai, sinon ils vont se battre. Ça commence à bien faire! Bon, pour répondre à ta question. Ménénic, écoute sur... Non, c'est Ménénic. Ménénic. Fréquence de Rouen. Rouen, 104.57. Non, ça Gérard, il n'y a pas de fréquence, c'est sur Internet, Rouen. Rouen, c'est sur Internet, il n'y a pas de fréquence à Rouen. Il n'y a pas encore de fréquence à Rouen, ça Gérard. Ça m'étonnerait. Gérard, tu te fous pas de ma gueule? Non, je prends le train, ça coûte moins cher. Oh là là. Akenoplon, oh là, Marseille, 116.6. Bonsoir, Akenoplon, bonsoir. Et la question, oui, peut-on être harcelé dans des lieux publics? Donc, Jamal, comme il voulait répondre. Effectivement, qui ne sait pas se mettre une main au cul dans le métro? Non, dans les lieux publics. Bah, le métro, si c'est pas public. Ah ouais. Voilà, voilà. Ok, bah, c'est vite répondu, toi. On dirait que t'es pressé d'aller te coucher. Ah bah, question de merde. Non. Question internet. Gérard, question de Pine de Lapin qui demande si on risque de rencontrer des harceleurs dans les cabines téléphoniques. Non. C'est possible. Sur Rennes. Pourquoi non, Gérard? Ouais. Céline, ça suffit. Je suis sûr qu'il y en a plein à Suresnes. Ah, c'était Carnot. Bon, alors terminé sur le débat, terminé, au revoir. Qu'est-ce que tu fais, Gérard? Pedro, tu commences à me casser les couilles! D'accord? J'ai rien fait, Gérard. Tu commences à me faire chier, y'a personne à côté, y'a que toi qui fais des conneries. Qu'est-ce que j'ai fait? La semaine prochaine, tu n'es plus là! Qu'est-ce que j'ai fait, Gérard? Max, tu reviens, s'il te plaît! Qu'est-ce que j'ai fait? Au foyer! Tu vois que c'est pas moi, Gérard. Non, moi terminé, j'arrête toi. Non, c'est fait. Terminé. Terminé. Non, mais attends, y a personne à côté, c'est le bordel ici. Un auditeur, c'est un son téléphone. Ouais, non, mais de manière, je vire tout le monde. Pourquoi? Gérard, non, non, Gérard, calme. Tout le monde est viré, je prends des autres auditeurs. Tout le monde vire. D'accord. Allez, c'est qui le chef? Ah merde, y a tout le monde vire et on va s'écrouler. C'est qui le boss? C'est moi, et tous les gérants, ouvre-toi, miam miam de Suzy Caca et les 40 fouetteurs, et on se retrouve, et les 40 fouetteurs, et on se retrouve tout de suite après pour la suite et fin du débat. Ce soir, les débats de Gérard. Oh, celui qui a sa musique, celui qui a sa musique derrière, arrête! L'émission la plus trash de la bande FM sur Fun Radio. Le morceau que tu nous as passé vers la fin, mais grave. Gérard, quand tu veux, hein. Ouais, bah, tu pourras me faire signe avant, merci. C'est vrai que tu connais pas les jingles. Bah non, parce que comme j'étais occupé à autre chose, donc voilà. Donc, suite et fin des débats, donc je viens de demander à Max, on va durer jusqu'à 10 et voilà. Jusqu'à 3h du mat, ouais. Tu peux finir ta clope, Gérard, s'il te plaît? Ouais, tu peux finir dehors. T'as plus du cul. Carrément. Voilà. Donc, on va aller jusqu'à 2h10 et puis on verra. Donc voilà, alors on accueille Dr B 101.9 de Paris. Bonsoir à tous, bonsoir l'équipe, bonsoir les auditeurs. Salut. Bonsoir. Salut, ça va bien? Ça va et toi? Hey, t'as passé un bon week-end? Ouais, super. C'était bien. Bon, c'est une bouffe? Si tu veux. Ouais, cette semaine. Je suis Poitiers 84.2. J'ai décidé de Macron. Bonsoir. Salut. Bonsoir tout le monde. Ça va? Donc, ouais, c'est cool. Et vous? Donc, Gérard, vas-y, éteins ton portable, arrête de passer des coups de fil perso. On éteint les portables. Qu'est-ce que tu fais? Éteins ton putain de portable. C'est Marlène qui t'envoie des trucs aussi à toi? Locatel de 2 kilos, là, c'est abusé. Ta gueule, toi, docteur B, parce que tout à l'heure, tu as gerbé, vous avez pas encore commencé à me casser les couilles, je veux pas bien entrer. Tu commences à te calmer, toi, parce que sinon, tu as dégagé vite fait, toi. Peut pas, je ne voyais pas. Eh, ça suffit ou quoi, là? Vas-y, enchaîne, grosse cochonne. Mais ta mère, c'est une grosse pute. Alors, question. Peut-on être harcelé dans les lieux publics? On demande à Dr. B. Dans les lieux publics, c'est très dur parce que, comme tu le disais tout à l'heure, Gérard, il y a beaucoup de témoins, donc c'est moins facile. À la rigueur, il faut harceler dans des pièces, tu vois, c'est fermé, genre des bureaux, ou tu vois, un truc fermé, quoi, on peut pas te voir. D'accord. Tu peux baisser ta radio si ça te dérange pas. J'ai pas de radio moi. Ça t'a un son pourri hein. Jossus. Bien sûr. C'est une révélation. Écoute, moi je pense que effectivement tu peux te faire harceler, mais c'est pas du harcèlement quoi. C'est juste on touche le cul, mais c'est pas tout le temps le même qui te touche le cul quoi. Mmh. Pour toi c'est pas du harcèlement. Non, c'est pas du harcèlement. C'est juste on touche le cul, quoi. Donc, on accueille grand-mère... Faire un café. Non, c'est grand Monster Flash. Bonsoir. Grand Monster Flash, bonsoir. Bonsoir, Monster Flash. Et Coussin d'air, Dijon, 97.3. Oui, bonsoir, c'est Coussin d'air. Merci des bruitages. Bonsoir, Coussin d'air. Salut, bonsoir, ça va? Grand Monster Flash. Bah, c'est bon, salut. Vous répondez. Alors, la question, tout le monde l'a compris, j'espère? Oui, les lieux publics. Voilà. Il y avait des amoureux qui se bécotaient sur les bancs publics, ok. À part ça, jardin public, gare, cimetière, enfin, tu sais, tous les endroits où tu te promènes le week-end, en fait. Quoi. D'accord, non, mais attends, c'est qui vient de répondre, là? Grand Master Flash. T'as déjà été harcelé dans un cimetière, toi, connard? Non, mais c'est un lieu où je me promène le week-end, donc ça pourrait éventuellement arriver, quoi. Putain, Gérard, tu dois harceler de la clocharde dans les décharges. En coussin d'air, au revoir. Non, mais Gérard, il reste beaucoup de temps. Vas-y, on les garde, Non, non, non, non. Je préviens que le prochain qui m'attrait, je vais dire, je sais qui c'est, docteur Jobé, au revoir. Mais non. Terminé, je suis pas d'accord. Si. C'est moi qui commande. Bon, d'accord, bon, au revoir, c'était un plaisir. Au revoir. Mais voilà, ça y apprendra d'être poli avec moi. Ah, c'est vrai que toi, tu l'as avec les gens. Ouais. Attends. Si ça te plaît pas, Pedro, tu gardes le standard de 23h jusqu'à minuit et demi quand je ferai les débats et après tu iras voir ailleurs. Et après si tu feras ta réa. Hein? Après d'accord? Tu feras ta propre réa. Je trouverai du monde, t'inquiète pas. D'accord. Okay. Ouais, ils se battent pour venir. Tu mettras les bruitages toi-même. Ouais, on sait qui c'est qui met les bruitages maintenant. C'est ça, t'as raison. Question de monsieur Cousin. N'éjaculez pas. Bon, je sens que ça va même pas être 2h05, ça va être 2h pile, là. Allez, on y va, on trace. Y a-t-il des revues sur le harcèlement sexuel? On demande à Coussin d'air. Y a-t-il des quoi? Des quoi, ouais. Des revues! Non, il n'y a pas de revues. Il y a des articles dans les journaux, mais pas de revues spécialisées, quoi. Ça m'étonnerait, à mon avis. Non, il n'y en a pas. Moi, j'ai jamais vu un truc qui s'appelle Harcèlement Magazine, par exemple. Ouais, mais je pense qu'à mon avis, il doit y avoir quand même des revues. Vu que le harcèlement est interdit par la loi, ça m'étonnerait qu'il y ait des revues. Ouais, d'accord. Bon, pour toi, ouais. Grand Master Flash. Ouais, moi, je pense qu'il y en a qui circulent un peu sous le menton, quand même. Des revues sur le harcèlement, ça circule un peu sous le menton, en underground, en loose day, quand même. Donc c'est comme tout, hein, si t'en cherches, tu finis par en trouver, hein, ça, tout se trouve. Hein. Mm-hmm. T'es d'accord avec moi, ça circule sous le menton, GG. Personnellement, moi j'ai pas encore trouvé de... comme disait Coussin d'air, ça m'étonnerait vu que c'est interdit par la loi, donc on verra bien. Ouais, mais en illégal, tu vois, justement. Donc ok, je suis pour terminer. Eh bien, moi je crois qu'il n'y a pas de revue spécialisée pour ce sujet-là, tu vois, mais je pense qu'il y a pas mal de gens qui doivent s'exciter... en lisant des trucs genre Pantouze ou des trucs comme ça, tu vois, ou Voici, s'exciter sur les stars ou les filles à poil, quoi. Mmh. Et je, Je recrache de Bordeaux. Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à l'équipe. Il n'y a pas Java là aussi dans le coin là. Non, là, il y a longtemps que je leur ai dit au revoir à tous. Ah, c'est dommage. Elle me plaisait bien, Java. Je préviens quand même une chose. Non, mais attendez. Ah, c'est pas mal, je préviens quand même une chose, Céline. C'est pas la peine que les mecs ils s'amusent à prendre des noms comme ça lors des débats à chaque fois, parce que sinon ça va pas. Ouais, ça ils sont grillés là. Bah, c'est pour mettre un peu on les a grillés. Ouais. Non parce, C'est pour détendre un peu. Ouais. Ça détend l'atmosphère, Gérard. Ouais. Ça te détend les poils. Moi, je me suis fait harceler toute la journée, j'ai besoin de détente. Hein. Ah, bah oui, c'est un exutoire quand même. Ouais, c'est ça. Fous-toi bien de ma gueule, toi. Bon, c'est pas notre genre. Recrache. Ouais, donc, pour toi, je recrache. J'étais en grande discussion avec Céline. Et j'ai pas entendu la question. Putain, mais vous me faites chier de répéter les questions. Parce que moi, quand j'arrive à l'antenne, je coupe la radio. Y a-t-il des revues sur le harcèlement sexuel? Pas à ma connaissance. Mais par contre, c'est une bonne idée, ça. Et c'est une bonne question, Gérard, parce que il pourrait y avoir des petites, justement, des romans photos où tu verrais une secrétaire se faire harceler par son patron. Avec des conseils. Le courrier des lecteurs. Non, mais comme disait Coussin d'air, de toute manière, vu que c'est déjà interdit par la loi, je vois pas pourquoi ils feront des revues comme ça. Faut bien vous dire une chose, que c'est interdit. C'est strictement interdit. C'est pas parce que c'est interdit que c'est introuvable. Ouais, mais attends, de toute manière, ça m'étonnerait que tu trouves des revues là-dessus. Il hein. y a plein de trucs qui sont interdits et que tu trouves quand même. Hein, mais d'accord, mais ça, ça dépend des gens qui veulent les imprimer. Hein. On va dire ça comme ça, alors. C'est sûr, moi, toi, t'imprimes. Ouais, c'est ça. J'imprime quoi? Pas grand-chose. Les magazines. Ah ouais, c'est moi qui imprime les magazines. Non, mais t'es complètement taré, toi, ma pauvre. Hein. Ah non, pas du tout. Je crois qu'il te manque une case. Hein. Peut-être. Ouais. Question Internet. Simon. Question de Mister Cousin, une question pertinente. Non, mais pour une fois, c'est une proposition pour une revue permettant de harceler les gens au téléphone. Il propose l'annuaire téléphonique. C'est vrai que c'est quand même une bonne façon pour les harceler. C'est vrai, Gérard. Quoi. Tu te rends pas compte? À la tressée, ouais. Non, mais je crois que les questions sur le net, surtout avec lui, il s'amuse à prendre mon nom de famille, c'est pas mal. Question c'est de quoi. Monsieur Cousin. Ta gueule, ta mère. Harcelé par la DAS. Et ta mère, oh là, je vais te dire une chose. Dans deux minutes, j'arrête, c'est terminé. Attends, du calme, les auditeurs. J'en ai rien à foutre, j'ai dit dans deux minutes, j'arrête, c'est la dernière question terminée. C'est la console qui déconne. Existe-t-il une association pour nous aider en cas d'harcèlement sexuel? On va demander à Coussin d'air. Moi je pense que oui, il doit exister un truc du genre SOS harcèlement ou quelque chose comme ça. J'ai pas le nom exact, hein, mais à mon avis ça doit exister, quelqu'un qui vient en aide aux gens qui se font harceler un peu partout, dans la rue, dans le boulot. Non, bah c'est... Ouais, d'accord. Ok, bah, de toute manière je répondrai après. Grand Master. Grand Master, ouais, écoute, c'est vrai que c'est pas facile pour nous les hommes quand même d'être harcelés. Et on aurait bien besoin d'un petit soutien psychologique. Ouais, parce qu'on n'est pas des gos de Miché, merde. Donc, moi j'en connais pas perso, mais je suis preneur. Hein. Et je recrache. J'ai eu connaissance de certaines associations justement d'harcelés anonymes. À ce que je sais, c'est vraiment comme les francs-maçons, quoi. On n'en parle pas trop. C'est des sociétés secrètes et c'est très tabou. Ouais, en même temps, je vois pas ce que viennent foutre les ouvriers du bâtiment là-dedans. Hein. Mais je me le demande. J'insiste pour terminer avant que je réponde. Bien sûr. Quand tu vas porter plainte, la police est obligée de donner le nom des associations qui peuvent te défendre gratuitement. Ouais, donc on revient sur l'histoire des. Les 35 heures. Peut-on porter plainte pour harcèlement envers son patron? Mais ça, c'est une chose acquise, évidemment. Mais je te dis, quand tu portes plainte. Ouais. Dans tes débats, c'est génial. Ouais. T'es pas obligé de porter plainte. Ouais, mais si, de toute manière, faut mieux porter plainte comme ça. Ah, mais il y en a qui aiment ça quand même. Ouais, mais chez les nanas, oui, il y en a pas mal qui doivent aimer ça, oui. Bah ouais, Gérard, quand tu te faisais harceler, là, parce que j'ai eu. Je t'écoute, je suis un de tes grands fans. À un moment, tu te faisais harceler sur ton tatou. Est-ce que t'as porté plainte? Non, parce que le tatou, il est parti à la poubelle et comme ça, je suis tranquille. Ou par sur le portable? T'éteins le micro, s'il te plaît. Son micro, Mon micro est pas allumé. Ouais, non, mais c'est pas la peine de prendre un combiné qui est à moitié cassé pour. C'est un sans fil. Ça suffit là un peu là. Ah putain. T'es sûr? Question internet, après je répondrai. Je vais te faire juste un petit point. On est 9617. Tout à l'heure, on est descendu très bas tout à l'heure quand t'as gueulé, mais là, c'est remonté. Là. Ouais. On approche des 10 000. Hein. Peut-être faut que tu me frappes. Je crois que là, il faut que tu me frappes pour. Donc, alors, existe-t-il une association pour nous aider en cas d'harcèlement sexuel? Et ça, je pars pour les nanas, parce qu'en fin de compte, c'est les nanas qui sont le harcelées le plus que les hommes. Oh, ça suffit, oui! Ça commence à bien faire maintenant. Je ne sais pas. Bon, de toute manière, c'est simple, il est 2h, je réponds à la question, je fais la conclusion et ça sera terminé. Gérard, jusqu'à 2h10. Non, ça sera terminé, comme ça. Mais éteins ton micro quand tu fais des... Comme ça ira plus vite. Donc, existe-t-il des associations pour nous aider en cas d'harcèlement sexuel? Pour les nanas, oui, parce que de toute manière, comme disait Jossus, c'est vrai, que quand on porte plainte, ils nous donnent un numéro de téléphone. Mais, faut bien vous dire une chose. C'est que tu te le fous dans ton cul. Ta gueule, toi, connard, grand master enfant. C'est quelqu'un qui a pris sa voix. Au revoir. Bon, bah tant pis. Hein. Au revoir. Il m'a aspiré les couilles. Donc, je disais pour Jossus, donc apparemment, et pour toutes celles qui sont à l'écoute et qui veulent pas appeler pour ce débat-là qu'on tord. Donc, en fin de compte, il y a des associations qui existent, et malheureusement, c'est que les trois quarts du temps, les nanas ont peur de porter, d'appeler. Pourtant, c'est des numéros de téléphone vert. C'est des bénévoles qui répondent. Et les gens qui appellent sont dans l'anonymat total. Les bénévoles ne donneront pas ni le nom de la, ni le nom, ni l'adresse, ni le numéro de table de la personne qui appelle, justement pour dire comme quoi qu'elle a été harcelée. Et donc. T'as un numéro, non, j'en ai pas. Et donc, ça revient à... Parce que les bénévoles, c'est pas des gens qualifiés. S'ils étaient qualifiés, ce serait... Ouais, non, mais même, de toute manière, faut bien se dire une chose, qu'il y a des associations qui existent, et malheureusement, c'est que on n'en entend pas assez parler. C'est tout. C'est comme une chienne. Je sais pas pourquoi que tu me redonnes un auditeur alors que c'est fini. Hein. Là, il voulait faire la conclusion, alors je l'ai pris. Allez, encore une question, Gérard. Il a suivi le débat depuis le début. Bah oui. Frottis Family, pour terminer. Bonsoir, c'est la Frottis Family. Bonsoir, Frottis Family. Salut, ça va? J'appelle de Marseille, 144. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Salut. Ça va bien? Salut. T'as passé une bonne journée? Bon, bien. Ça y est, ouais. Quoi, bah, on dit bonjour, on est gentil. On est poli. Attends-le. Donc, ça sera la dernière question, comme ça ira plus vite. Et après, on verra s'il y aura un débat par la suite, on verra ça. Oh non. On verra ça. Oh. Parce que, vu le bordel. C'était mieux. Alors, c'est simple. Oui. Comme il y a un connard d'auditeur qui vient de dire Gérard Aladas, on fait la conclusion. Ouais. Et donc, je vais dire. 7 minutes pour faire la conclusion. Nous avons donc, 7 minutes. Harcèlement, qu'est-ce que ça veut dire? Attention. Harcèlement sexuel. Invite amoureuse. Insolence. Oh, t'arrêtes avec ça maintenant. On a un chronomètre. Ta gueule. Non, d'accord. Il se masturbait sur son brancard. C'est pas moi. De manière, c'est simple, c'est terminé. Donc, harcèlement sexuel, donc invite amoureuse, instance est répété, pratiqué par un supérieur qui abuse de son pouvoir et action d'être harcelé, tir de harcèlement. Voilà, terminé. Conclusion du débat, coussin d'air. Terminé. Comme ça, ceux qui s'amusent à faire des conneries arrêteront et celui qui a dit que je venais de la DAS aura compris ses douleurs, terminé. Mais c'est pas vrai. Conclusion. Ouais, tu viens pas. Conclusion. C'est une erreur de parcours. Conclusion. Bah ouais. Terminé. Je me suis masturbé sur le Big Bill. Conclusion, Frottis Family. Mais pas tout de suite, GG. Pas tout de suite. Conclusion. Encore une question, là. 5 minutes, Gérard. Conclusion. Pas la peine de gueuler, arrête. Gérard, là. Conclusion. Dernière. Allez, terminé, allez, conclusion. Petite bonus sur bonus, là. Conclusion. Allez, il y a le cadeau surprise, là. Juste allez, Gérard, une autre question, une petite. Conclusion. Gérard, les auditeurs réclament une question. Conclusion. Une question. Conclusion. Une question. Non, Gérard, reste. Allez, Gérard, reviens. Vas-y. Conclusion. Gérard, reviens, on allait même à la maison. Allez, une petite question. Allez, conclusion. Gérard, une question. Une question. Conclusion, une fois. Une fois, trois fois. Oh. Qui c'est qui commande ici? Question, terminé. Conclusion. Allez, conclusion. Une question. Allez, Gérard, reviens. Le débat est clos, tu fermes ta gueule, c'est moi qui commande. Non, Gérard, il faut la conclusion. Il faut la conclusion. On peut pas conclure le disque qui part pas sinon. C'est toute l'espace que vous me faites chier. Bah, vous me regardez pas moi. On est presque à 10 000, Gérard. On est presque à 10 000. Conclusion. Balance-moi un truc dans la gueule, on va atteindre les 10 000. Conclusion. Allez, la dernière. Conclusion. Pour le fun, allez, une dernière pour le fun. Va t'enculer. Pour attendre les 10 000. Bon, les auditeurs. Les auditeurs. Du calme. Conclusion. Voilà, maintenant, allez-y, posez. Conclusion. Demandez une question, allez-y. Allez, une petite question, là. Ah merde, non, non, la conclusion, pardon. Non, attends, moi je dis. La conclusion. Non, Gérard, la conclusion. Conclusion. Vous allez tous vous faire enculer. C'est ça la conclusion. On aime ça. Allez, GG. C'est pas grave. GG, presque 10 000, allez. Bah écoute, Gérard, c'est pas grave, ils vont faire la conclusion. Tu veux pas finir à 9 990? Allez, ok, bah allez, les gars. C'est la conclusion, c'est tout. Allez. On boycotte la conclusion, on veut une question. Oula. Conclusion. Voilà, une petite question. Ma gueule! Une dernière pour la route. Ta mère! Oh, c'est un kiff, là, putain. Une petite dernière, là. Allez, vas-y. Alors, au revoir à tout le monde. Bonne nuit. Non, non, non, Gérard. Non, Gérard, non, non, non, non, conclusion. Ta gueule, ils veulent pas la faire. Ta gueule! D'accord, gueule. Gérard, c'est bon, je les ai coupés. Gérard, t'as fait donc une heure. Donc, c'est conclusion. Écoute-moi, Gérard. T'as fait une heure et demie de débat maintenant, il faut faire une conclusion. Ok, on fait la conclusion. Attends. Avec une petite question avant. Non, non, c'est moi qui commence, j'ai dit conclusion! D'accord, conclusion, m'envoie pas un truc, je t'en prie. Petite question là, petite question vite fait là, hop, sur le pouce, la question. Alors, tu l'as dit tout seul, bon. Non, vas-y, non, Gérard, Gérard, Gérard, on fait la conclusion, s'il vous plaît, les auditeurs, nous faisons la conclusion. Ok, les auditeurs, on va aller en conclusion là, faut pas rester. Hein. Pas de conclusion, mais on veut une question. Non, non, non, non, non, ça marche pas comme ça, conclusion. Tu coupes tout le monde, c'est terminé. Je ne coupe personne, je veux une conclusion, Gérard. Moi j'ai plein de conclusions, Gérard. De toute manière, c'est conclusion et c'est tout, le débat est clos. Alors, antenne, Céline va récupérer seul ceux qui vont faire. Non, vont non, faire ils veulent tous les questions, de toute manière, c'est terminé. Il y en a peut-être qui veulent pas, donc on va les récupérer. Il est 2h10, de toute manière, c'est terminé. Non, il est 2h07, c'est 30 secondes. Non. Alors, là, GRTL, et donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les récupérer, on va voir ceux qui veulent faire une conclusion, après, on les met à l'antenne, ok? Voilà, on va prendre les conclusions internet d'abord. En attendant, on va faire ta conclusion si sur le net. Sur le net, sur ouais, le net, d'accord. Alors, première, j'en ai plusieurs. Hein. Conclusion de Mister Pif Paf qui dit « Gérard, ferme ta gueule et va te coucher ». Deuxième conclusion, Evil Ghost qui aimerait bien venir te harceler chez toi en chiant sur ton palier. Mais bon, vu que t'as plus de chez toi, ça va être dur. Ensuite, conclusion de Juge de Lyon qui dit qu'il se fait régulièrement harceler par un vilain boiteux moustachu qui squatte son poste de radio pour faire des débats risibles, des poèmes minables et des conseils pitoyables et qu'il aimerait bien porter plainte. Conclusion aussi de Pine de Lapin, le harcèlement est à la victime, ce que tu es à tes auditeurs, planque-toi GG, on sort le déo. Et dernière conclusion d'Epsilon, attention, gueuler pendant 2 heures de suite sur l'équipe peut être considéré comme du harcèlement Gérard, et il conseille à Pedro même de porter plainte. Eh ben, ah, et parce que vous, ce qu'il voudra, de manière si il porte plainte, Gérard, il aura tout faux. J'aime faire là-dessus. Moi. Et on termine Gérard. On termine à 10 024. Ah bah voilà. Et nous avons les auditeurs qui vont nous faire les auditeurs conclusion. Voilà, ils vont tous faire la conclusion. Alors, allez, on commence, on y va les auditeurs. Allô, personne répond. Si, si, ils vont répondre. Une petite question. Allô. Arrêtez. La conclusion. Sérieusement, la conclusion. Voilà, lui, il a envie. Coussin d'air, vas-y, donne la conclusion. Moi, j'ai trouvé que c'est un débat assez intéressant. Bon, on a appris quand même pas mal de trucs. Et moi, maintenant, j'y réfléchirai à deux fois avant de foutre une main au cul, ou un doigt, ou un bout de prépu à une collègue de bureau, quoi. Ouais, ok. C'est dur aussi, hein. Je suis pour finir. Bah écoute, moi je suis très déçu que t'aies passé une dernière question, donc je vais pas te faire conclusion, mais je suis quand même, quoi. Eh ben tant mieux. C'est bien. Et pas toi, je suis pas les mecs crades qui puent. Non, non, eh ben moi je t'emmerde, connasse. Moi je t'emmerde. Je t'emmerde, au revoir. Ouais, t'as bien raison. Au revoir, ta gueule. Ta gueule. Qui c'est qui nous restait? Jean Cochonne. Il y a la Frotti Family, toujours Frotti là. Frotti Family, ouais. Bah écoute, c'était un bon débat. Je pense que l'équipe a été bien, les auditeurs, le standard, l'AREA. Bon, toi, t'as été minable comme d'habitude. C'était pas content, c'est le même prix. Non, mais c'était un bon débat. Et puis voilà, à part ça, bah, pas grand chose. Fais-toi toujours harceler par les clébards. Là, tu sais, quand ils viennent se frotter contre ta jambe, j'ai vu que tu kiffes bien. Mais toi, va te faire harceler par ta mère et au revoir. Et puis je te souhaite une bonne soirée. Ça, c'est de la répartie. Au revoir. Voilà, hop, terminé. Il y a Je Recrache aussi. Et Je Recrache pour finir? Ouais, pas pour finir, ouais. Bah moi je dirais que bon, bah c'est un véritable exploit de faire une heure et demie sur le harcèlement avec des questions aussi pourraves. Donc je te félicite, Gérard. Et j'espère que tu feras d'autres thèmes de débat, parce que, et là, il y a la Coupe du Monde qui arrive quand même. Et je voulais aussi dire que ça se fait pas de siffler la Marseillaise, et que Chichi il a raison. Mais moi, voilà. Je t'emmerde. Ok, d'accord, t'emmerdes Chichi donc. Mais moi, je t'emmerde, connard. Ok, excuse-moi, Zob. D'accord. Pauvre con, va. Allez, au revoir. Donc voilà, conclusion du débat, c'est comme toutes les semaines, c'est le bordel. Non, c'était bien. C'est le pas bordel. Vrai, Gérard, moi j'ai kiffé. Hein. Ça a été moi le bordel. Aussi, j'ai kiffé, Pedro. Ouais, moi j'ai bien kiffé. Non, mais ça a été le bordel. Ah, Simon, donc, il y en a qu'un qui a bien travaillé, c'est Simon sur le net. Ah, les chiens. Il y a que ça. Il y a que ça qui fonctionne bien. Parce que là, toi, Céline. Oui, Gérard. Je vais te dire une chose, que ce combiné-là, ça t'a laissé constamment. Devant, t'avais ton micro constamment allumé. Elle a pas fait exprès. Ah, c'est pas vrai. Si. Elle le fait pas exprès. Donc voilà. C'est une fille. Donc conclusion. Donc conclusion sur le débat. Voilà ce que j'avais à dire. Donc là, vous allez retrouver Simon pour la nuit sans pub. Non. Oh merde. C'est pas pour la nuit sans pub, c'est pour la nuit sans tube, ouais. Non, c'est vous pouvez lui on dès maintenant. Dans 10 jours. Vous pouvez dès maintenant l'appeler au 0825 08 5000. Donc si vous avez des petites annonces, c'est ça, hein, c'est, si je me trompe. Et toi, tu vas rester ou pas, Gérard? Ah ouais. Tu restes? Je reste sur le chat. Ah non, putain. Putain. Bon, on sort l'encens. On va prendre de l'encens là. Je fais. Tu vas pas venir me pourrir sur le chat. On s'est assez entendu pendant 2 heures. Si, je ferai du chat. Donc bien sûr sur le chat www.funradio.fr. /. Voilà. Et c'est. @ aussi, hein. @@.loul. Donc le disque, c'est Je Boum Tu Pues. Voilà, et donc je vous dis à la prochaine. Bonne nuit à tous. Bonne nuit. Avec Simon. Bonne bourre. Salut Simon. Ciao. À tout de suite.